autant vivre que ivre. Sur la piste de danse, j'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents. Sur la piste d'argent, c'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. C'est la fête de trop. Moi je l'ai fait, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Il vous accompagne à partir de 6h comme chaque jour en live sur Énergie. C'est la team du 6-9 qui débarque. Ce sera juste après David Guetta, Anne-Marie, il y aura Chaim aussi. Et puis là, on se fait tout de suite l'un des meilleurs moments de l'émission d'hier. Tous les matins, dès votre réveil, c'est le 6-9 sur Énergie. Le 6-9 sur Énergie. J'ai plus l'âge de le faire, mais je le fais quand même. Tiffany. Moi je saute dans les flaques. J'adore ça. Ou alors je lance des bonbons et alors je les attrape avec ma bouche. Eh bon, on comprend ça, pourquoi elle pue des pieds maintenant, tu m'étonnes. Si elle saute dans les flaques tout le temps. L'humidité à crever. Mimi cracra l'OLM. Aurélie de Radac. Moi je regarde les dessins animés, j'adore Bob l'éponge. Oh Bob c'est l'éponge. Oh ouais, ouais. C'est la ouais. Base, ça. Et comme Brandon qui est avec nous ce matin, 0800 234 56. Salut Brandon. Salut. Ah, toi aussi. Salut. Toi aussi, c'est Bob l'éponge ou quoi? C'est ça, ouais. Et t'as quel âge? J'ai 25 ans. Il n'y a pas d'âge pour regarder de... Bobby, moi je vous le dis. On est d'accord. C'est clair. On est d'accord. C'est comme Dragon Ball, on est d'accord. Eh ben ah. Voilà, avec Bernard, l'étoile. Non, c'est pas Bernard, c'est Patrick. Patrick. En tout cas, j'avais juste quelque chose à dire vite fait. Vas-y. Bien content, là, avec la nouvelle émission. Franchement, au top. Vous êtes au top. Oh, merci. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais écouter le matin, ça, vous le savez. Bah, c'est un bonheur. Merci de nous dire ça. Ça fait très plaisir. Parce que c'est pas ce qu'ils nous disent ici en interne. Hein. On va juste passer pour des gens bizarres. Oui. On te souhaite une très belle journée, Brandon. À bientôt. À vous aussi. Au revoir. Salut. Il y a Isabelle aussi qui est avec nous ce matin. Salut, Isabelle. Et coucou les fifous. Coucou. Isabelle, tu n'as plus l'âge, mais tu le fais quand même. Alors, un truc que j'interdis à mes enfants de faire, mais moi je le fais évidemment, sinon c'est pas marrant. Je planque des sachets de bonbons, des paquets de biscuits, etc. en dessous de mon lit et je clignote pendant la nuit. C'est génial. Excellent. C'est génial, les petits paquets de bonbons, mais oui. Mais c'est la base aussi. Hein. C'est la base. J'avoue. C'est la base. Et le jour où tes enfants vont tomber dessus, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ah mais ils tomberont jamais dessus, ils peuvent pas aller. En même temps, c'est pas eux qui font le ménage. Mais c'est génial. Eh ben je trouve ça très très bien. Ah, tu as bien raison, Isabelle. On te souhaite une très belle journée. Merci d'être venue. Merci à vous aussi. Bisous, Isabelle. Ouais, Jérém. Sur Instagram, il y a Elisa qui nous a rejoint et qui a mis mettre un pied sur chaque carré du carrelage. Ah oui, oui. Tu sais, pour pas toucher les lignes. C'est énorme ça. Mais bon, après quand tu changes du 49, c'est compliqué, tu vois. J'ai plus l'âge, mais je le fais quand même. Moi, c'est le caddie. Quand je vais faire mes courses, je cours et je monte sur le caddie. Oh, oui. Et oh, terrible. Et à chaque fois, j'ai ma nana qui fait, bon, ça suffit maintenant. Hein. Tu vas abîmer toutes les voitures. Ce que tu casses, tu payes. Ouais, on finit avec Maëlle qui est avec nous ce matin. Bonjour Maëlle. Salut l'équipe, salut Énergie. Salut. 0-800-2-3-4-5-6 pour nous appeler, un numéro gratuit. Maëlle, tu n'as plus l'âge, mais tu le fais quand même, dis-nous. Ouais, j'ai un peu la honte, j'ai jamais dit à personne et là je m'affiche. Mais j'ai presque 30 ans et je suis toujours mon pouce. Oh mon Dieu. Oh là là. Révélation là à la radio. Mais enfin, depuis toute petite, tu suces ton pouce. Depuis toute petite. Et le problème, c'est que du coup, c'est pas comme une petite, j'ai toujours sur moi, et dès que je suis fatiguée, paf, le pouce. Et paf le. Paf le. Ah, je connaissais paf le chien. Mais... Est-ce que tu suces ton pouce au boulot aussi? Non, mais pas devant tout le monde, mais. C'est magique! Mais tu sais comment je. C'est très mignon, parce que moi je suçais mes deux petits doigts comme ça, et je mettais mon doudou au milieu, tu vois. Enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais je vous montrerai. On va mettre ça sur Instagram. Et j'ai fait ça jusqu'à 12 ans, et d'où le cheveu sous la langue. Oui, enfin, elle a 30 ans. Et fais gaffe, parce qu'après ça donne un cheveu sous la langue. Écoute-moi ce que ça donne, c'est pas terrible. Ma mère, quand j'étais petite, elle me mettait une vernis qui est dégueulasse, là. Oui. Je me lavais les mains pendant 10 minutes pour enlever le goût et après un peu du tout. Ah. Bah écoute, elle s'appelle Maëlle, elle a bientôt 30 ans, elle suce son pouce. Si vous connaissez une Maëlle, près de chez vous, on la tient. Elle est là. On te souhaite une belle journée, Maëlle, merci d'être venue. Merci à vous aussi. Salut Maëlle. Salut. Ah là là, vous êtes, vous n'avez plus l'âge, mais vous le faites quand même. Continuez de nous dire 0800 2 3 4 5 6. Et sur Instagram aussi, Amstamgram, on est là. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 23 septembre. Bélisol. Châssis et portes sans souci depuis plus de 40 ans. La sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. Il est bientôt 6h sur Énergie, on est là, bonjour. Amenez-moi au coq, s'il vous plaît. Ok, bon, le coq n'ait pas envie de chanter ce matin. C'est une première qu'on chante dès 6h, je vous le dis. 6h sur Énergie, c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. On va clôturer cette semaine tous ensemble avec les fifous du matin. Bonjour. Bonjour. Il y a Tiffany qui est au standard. Oui, bonjour. Elle est en forme aujourd'hui. Elle est surtout très écolo, Tiffany. Écolo, pourquoi? Elle s'est lavé les cheveux, mais elle les a pas séchés. Mais c'est surtout que je suis en retard si je les sèche. Alors du coup, j'évite certaines étapes pour pouvoir me lever un petit peu plus tard. Écoute, tant que tu n'enlèves pas l'étape de la douche, c'est le plus important. Hop, surtout pour nous. Il y a Frisco qui est là aussi ce matin. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Bonjour, il y a Jérém. Bonjour l'équipe, bonjour vendredi. Bonjour, vous avez déjà le paquet de Kellogg's à 6h les gars, vous êtes sérieux? Non mais on mange qu'à 8h. Hein. Ah. On le regarde jusqu'à 8h. On fait nos prières devant. Il y a Aurélie Darénac qui est avec nous aussi ce matin. Bonjour. Bonjour. Oh, toi t'as changé un truc à tes cheveux. Oui. Toi t'as été chez le coiffeur. Toi t'as fait des rajouts, t'as fait quoi? Mais nous j'ai pas des fait rajouts. Des rajouts. Une colo. C'est plus éclairci. C'est ça. C'est très bien. Tu as bien eu raison. J'ai servi de modèle en fait à une élève en coiffure. Ah, c'est vrai? Oui. Ah bah c'est ça pas se mal. Voit qu'elle est. Qu'elle est élève. Je plaisante, c'est très joli. Bon, est-ce que la météo va être aussi ensoleillée que tes cheveux ce matin? Tout à fait. Oh. C'est de circonstance. Avec l'accent marseillais. Mais on aura quand même quelques nuages. Mais accompagné d'éclaircies. Il fait un peu caillant ce matin, entre 5 et 10 degrés, entre 16 et 20 degrés. Sinon, j'ai une bonne nouvelle. Hein, la semaine prochaine, il va faire vachement beau. C'est vrai? Ouais. Très chaud. Canicule. Oh. Jusqu'à 27 normalement. Oh, oui, oula. Ah, on est pas mal. Normalement. Si ça tient sa promesse, on vient faire l'émission en short, je vous le dis. On serait une spéciale maillot de bain la semaine prochaine. Ah, mais vraiment, s'il fait 27 degrés, c'est génial. Ah, pourquoi pas. Voici James Arthur pour vous réveiller ce matin dans la bonne humeur. 6 heures de bienvenue. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down, you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody else. They love you like nobody else. And I hope you give you something real. Oh, I love you still. But you deserve better. Give up on me, cause babe, I'm hopeless. The more it hurts, the more you try. You know I loved, I just never showed you. It'll be too late when you're with some other guy. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I know what you need. You're better, better, and you don't realize. You deserve better, better, better than me. You deserve might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. Dans un instant. Hey Kiki. Hey Kiki. Drake arrive, 6h04 sur Énergie. Bon réveil avec nous ce matin. Vendredi 14 septembre. Eh oui, ça y est, c'est une semaine qui se termine déjà. Ça va vite, hein. Ouais. Déjà une troisième semaine à nous dans l'émission. Ça passe très, très, très, très vite. Et on est très, très content d'être avec vous. On va démarrer cette émission avec un Jimmy de qui ce matin. Ah, bah, c'est bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On vous rappelle le concept très simple, un petit bocal, des personnalités qui sont dedans. On pioche au hasard et on doit imiter et l'équipe doit reconnaître. Et vous aussi. Okay. Et voir que c'est pas évident. Where is the bocal? In the kitchen. The bocal. Ça c'est comme hier, tu te souviens, on était avec Jérémy juste à côté au carrefour, il y avait une dame, Brian. Et moi je fais, is it in the kitchen? Mais elle disait pas Brian, je dis Brian. C'est vrai. C'est directement moins glamour. Moins sympa. Bocal, Frisco, et bah tiens, démarre mon Frisco. Pioche-nous une petite personnalité. Grande imitation de bon matin, on doit deviner de qui il s'agit. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Oh, Jamel Debbouze. C'était nul, hein. Ah, c'était ça. C'était ouais. Jamel Debbouze. Oh là là là là. Jamel Debbouze qui a une bronchite. Ouais, mais désolé. Ah oui, là, oui, quand même. Attends, j'ai pas fait comme Tiffany. J'ai dit oui, mais j'avais même ma main dans ma poche. Hein. Mais on l'a remis, en fait. Faut plus en mettre les papiers une fois qu'on l'a fait. Parce que ah, sinon, mais ça, c'est Tiffany. C'est toujours la faute de ouais, Tiffany. C'est de ma faute. J'ai l'impression qu'on l'a parce déjà fait aussi, celui-là. Vas-y, change alors. Je pense qu'on l'a déjà fait, je change. Vraiment, je suis quasi certain. Ça me parle, ça s'est fait aussi en fait. Ouais, non, c'est juste que tu sais pas les faire en fait et tu choisis. Ah, oh, ouh, ouais, c'est bon, j'en ai un qu'on n'a pas fait. Ah, c'est Gollum. Ah, bah oui, ça. Gollum. C'est aussi Gollum qui a une bronchite. Et bah, il est pas mal, non, mon ouais, Gollum. Ouais, il est pas mal. Précieux. Et moi, j'ai jamais vu le film en plus. Ah, oui, c'est ça. Tu connais que cette phrase de Gollum. Allez, Tiffany, fais-nous rire. Allez, c'est parti, hop. Je pioche un papier. Grande imitatrice, Tiffany, vous avez ouais, moi. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah oui. Alors, ma biche. Mais oui, on l'a déjà eu. Oh, ben oh. Louis de Funès. Non, attends, j'en ai... Oui, mais si tu le vois. C'est moi. Ah, j'en ai un pour toi. Tu peux pas jouer, Marco. Oh, purée. Dark Vador. J'ai cru que c'était Ushuaïa Nature. Oui, c'est ça. On aurait dit les bruits de la mer. Sous l'océan. Non, mais j'essayais d'installer le décor avant de dire je suis ton père. Jean-Claude. J'ai presque plus d'air. Allez, on finit avec Jérémy. Allez, je pioche. Ah oui. Attends, comment je peux faire ça? Attends, je réfléchis. Ah oui. Il y a un truc qui m'énerve ici en Belgique, c'est quand on fait un film. Par exemple, il y a une voiture. Poulvord. Voilà. Poulvord, mais oui. Allez, je voulais expliquer la voiture qui est sur le plateau télé, tu vois. Bouge cette voiture. Bouge cette foutue de voiture. Ah, tu fais bien, Poulvord. Merci. C'est... Voilà. Voici Drake sur Energy, 6h07, bon réveil. Track money, Benny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Track money, Benny, hey. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny, hey. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I'm skate and smoke, and rap. Now let me see you. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. I want you, and I need you, and I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always, Kiki. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. This shit got me in my feelings. I just gotta be real with you. Bienvenue sur Énergie, bon réveil avec nous ce matin. On va découvrir le nouveau David Guetta. Il sort un nouvel album aujourd'hui et comme d'hab, on est sur la balle. Eh oui monsieur. Nouvel album David Guetta qui s'appelle Seven ou 7. Je sais pas comment vous le dites, mais il y a un 7 dessus. voilà, vous l'appelez comme vous voulez. On va vous présenter son nouvel album toute la journée. C'est le New Hit Friday, du coup on vous diffuse un titre différent. Pas toutes les heures, mais... quasi, toutes les deux heures. Toutes les deux heures. C'est sur Énergie. Nouveau David Guetta, ça s'appelle Say My Name. Alors, est-ce que c'est pas du tout. Say My Name, Say My Name. Voilà, c'est pas ça, je pense pas. Ou alors, il a craqué, David. Il se m'a chanté et tout, t'imagines le gros délire. Ça arrive dans un instant, New Hit Friday. Puis ce matin, on vous rappelle l'iPhone X aussi pour chez vous, l'iPhone 10. On vous l'offre, très simple, vous envoyez Phone, P-H-O-N-E, par SMS au 78-6018. C'est 1€ le message envoyé et reçu. On vous offre ça d'ici 9h. Ouais, Jérém. Et sur notre groupe Facebook, les Fifous du 6-9 sur Énergie, il y a une gagnante qui a déjà posté une photo de son iPhone mais non X. Oui, je vais l'approuver, comme ça vous voyez, elle met « Merci les fifous, vous êtes top, au top, Letty ». Avec un gros bisou. Ah bah, des gros bisous Letty, et c'est bien, c'est la classe. Donc t'imagines, elle l'a gagné cette semaine, elle l'a déjà. Regarde un peu Tiffany, Letty, c'était quand? Voilà, oui. Pour vous donner un petit peu une idée. Ça va très vite. Envoyez Phone maintenant au 78, 1€ le message envoyé reçu. On vous souhaite bonne chance et on vous offre ça avant 9h. Le nouveau David Guetta, il arrive juste après, à tout de suite. Vous gagnez vos places pour le concert de Maluma avec la phrase Énergie. Maluma ! Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je me réveille chaque matin avec le 6-9 sur Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos deux invitations pour le concert de Maluma. Le 29 septembre au Palais 12 de Bruxelles avec Énergie. Monsieur le directeur. Si c'est pour me dire que vous avez gagné à l'euro-million, je sais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai oublié le dossier Morin à Copacabana. J'ai passé le week-end là-bas. Non, je suis désolé. Ils vont vous l'envoyer par coursier. C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Vendredi 21 septembre, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. 15 ans qu'on est ensemble. Attends. Tout ce chemin qu'on a fait, toi et moi. Écoute. Toutes ces choses merveilleuses qu'on a vécues, à la poubelle, comme ça. Non, ne dis pas ça, c'est pas... Bon, en vrai, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? En vrai? Eh ben en vrai, il a tout. Tout. Tout. J'ai entendu tout. Jusqu'au 30 septembre, séparez-vous de votre vieux diesel chez Ford et recevez jusqu'à 8000 euros de prime environnementale à l'achat d'un modèle essence, hybride ou diesel nouvelle génération. Et même 5 ans de garantie. Ensemble, rendons le monde un peu plus propre. Ford. Go further. Infos et conditions sur Ford.be. Les pommiers de la Belgique offrent un cadeau magnifique. Délicieuse et succulente, la nouvelle pomme de Truval, c'est un don de la nature. Une saveur si fraîche et pure, la Belgique est ravissante. La nouvelle pomme de Truval, la pomme Belgica, exclusivement jusqu'à la fin octobre. Chez Tom & Co, du 12 au 23 septembre, profitez de 30% de réduction sur le deuxième article identique. Ça veut dire deux fois plus de croquettes, ou de litière, ou même de graines pour oiseaux. Du 12 au 23 septembre, moins 30% sur le deuxième article identique chez Tom & Co. Conditions en magasin. Tom & Co, votre animal et vous. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, même ceux qui ne savent jamais quel vin choisir. N'hésitez plus, jusqu'à mardi, dans tous les magasins Carrefour, le Château Les Graves de Caux 2017 est en une bouteille plus une gratuite. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. La nouvelle Volvo V60 est le break idéal pour toutes les familles. Les petites, les grandes, mais aussi pour les nouvelles familles. Celles avec deux papas ou deux mamans, des frères et des demi-sœurs. Les familles qui, une semaine, sont à deux et l'autre à cinq. La nouvelle Volvo V60 allie sportivité, élégance et espace intérieur. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 10 au 15 septembre. La nouvelle Volvo V60, le nouveau modèle familial. Dans un instant, le nouveau David Guetta qui va arriver sur Énergie. On va chanter ce matin. Enfin, on va surtout vous mettre la petite sonnerie pour vous réveiller. Ça va être sympa. Un point sur les routes, Aurélie. Eh ben écoute, tout se passe bien pour le moment. Hein. C'est vrai? Bah ouais. C'est tout. Pour le moment. Voici le New Hit Friday. C'est le nouveau David Guetta. C'est extrait du nouvel album. On vous le fait découvrir aujourd'hui. Et comme d'hab, sans total exclu sur Énergie, voici le nouveau Guetta. Then you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running, you running? Ooh-oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh-oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Muestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me you. Say my name, I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name, if you love me, let me hear you. Le nouveau David Guetta qu'on va nous faire découvrir un instant sur Énergie, c'est extrait du nouvel album Seven. On vous en fait découvrir toute la journée, toutes les deux heures, un nouveau titre du nouvel album. Voilà, c'est plutôt ça, pratique. Ouais. Restez branchés sur Énergie. Calvin Harris qui va arriver dans un instant avec Dua Lipa. Ça, c'est un hit de l'été. Il y aura Bendo aussi, notre pote, ouais. Qui sera là avec sa grosse voix. Plus rien ne serait jamais pareil. Il le tient bien, parce que sans déconner, quoi. Et puis ce matin, j'ai envie qu'on se mette de bonne humeur, puisque c'est vendredi. Oui, oui. Allez, danse, Tiffany. Hey. C'est de la radio, ça sert à rien, c'est pas grave, c'est pour notre plaisir personnel. Ouais, je sais pas si c'est vraiment un plaisir de la voir. Hein. Oh, non, de me voir danser en tout cas. Je rigole. Mais oui, je sais. Ce matin, on a envie de vous rediffuser notre sonnerie. On a besoin, je sens que là, ça pique aux yeux pour vous. C'est vendredi, dites-vous que c'est la dernière journée. Oula, calme-toi petite sonnerie. On y va, on la met et on chante aussi les copains, ça va faire du bien. Ok. C'est l'heure de vous réveiller, 6h19. C'est l'heure. L'heure. Allez, debout. De se réveiller. Yeah, yeah, yeah, yeah. Le réveil vient de sonner. Né. Et je suis fatigué. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vraiment, faut se lever. Réveil. Allez, les fausses manières. Réveille-toi, dépêche-toi, prépare-toi pour la journée. T'es toujours en retard et c'est pas possible, pas possible, pas possible. Allez, faut se lever pour aller bosser, même si au fond c'est que ça te fait chier. N'oublie pas la douche et brosser les dents. Ça sent bon, ça sent bon. Le petit déj est prêt, oh oui. Y'a plus qu'à le manger. Miam. Et t'es prêt pour affronter la journée. Arrête de te coucher tard, t'as la tête dans le brouillard. Tu crois c'est un cauchemar. Allez, lève-toi et danse la joie. Christophe Krooner présente. Quel organe. La sonnerie du 6-9. Oui, mais c'est quoi, beaucoup m'ont dit ça. C'est très comique. Ouais, beaucoup de. Ouais. Franchement, tu chantes bien. Il y en a plein qui me disent eh, mais dis donc, t'as une belle voix, toi. T'as pas envie de faire carrière dans l'opéra. Non, c'est vrai. Bon. Par contre, il y en a aussi qui m'ont dit danse la joie, ça ne veut rien dire. J'ai dit oui, peut-être, mais ça rimait. Écoutez, à un moment donné, on trouve des choses sympas. Réveille-toi, allez, lève-toi et danse la joie. En plus, ça rime pas. Mais c'était pas grave. Ça donne envie. Mais si, c'est ouah à la fin. Quoi. Voilà. Qu'on écoute maintenant avec Dua Lipa sur Énergie. On voit bah, il se mettant dans la bonne humeur. 6h21, on revient juste après. Il y a le mot gagnant qui débarque tout à l'heure. Et PE aussi à 8h35. Ça va être très très chouette. Oui, juste pour dire que la sonnerie, elle est disponible sur energie.be. Vous pouvez la télécharger et la mettre comme réveil. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Et il y a beaucoup qui se réveillent facilement ou pas facilement avec ça. Mais... moi encore ce matin. C'est vrai ouais. Et je vous promets, dès que j'entends Tiffany qui me fait wouh, juste, je vous jure, hein, juste ça. Je coupe tout de suite direct. Arrête. J'ai déjà t'entendre pendant 3 heures. Allez la télécharger, c'est gratuit en effet, c'est sur energie.be et faites tourner aussi, hein, j'ai envie de dire. Envoyez ça partout. Ou même taquiner votre compagnon. Vous lui changez sa sonnerie, ça le met au courant. C'est une bonne idée que je vous partage. 6h, 9h, chaque matin. Le 6-9. C'est le 6-9 sur Énergie. Like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with

A girl is passing by, maybe too shy. A boy is making a try, he's maybe too proud. Like a 21st century boy. Like a 21st century boy. La sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. 6h30 sur Énergie. Dans un instant, c'est Jane qui arrive côté hit. Avant ça, information importante évidemment, la météo. Le temps sera généralement sec aujourd'hui. On aura des nuages, mais aussi des éclaircies. Par contre, il va faire un peu frais, entre 5 et 10 degrés ce matin. Ouf. Entre 16 et 20 degrés cet après-midi. À 6h30, on s'informe l'actualité de ce vendredi 14 septembre. Et c'est avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, faire plus pour le vélo, c'est ce que demande la Fédération Inter-Environnement Wallonne aux communes à l'approche de la semaine de la mobilité. La Fédération a publié une série de recommandations, parmi elles le développement des pistes cyclables ou encore la réduction de la vitesse dans les quartiers résidentiels. L'organisation plaide aussi pour la mise en place de dispositifs de stationnement pour les deux roues. Plusieurs rassemblements auront lieu aujourd'hui contre l'enfermement des enfants en centre fermé. Il y en aura 8 dans tout le pays. Un rassemblement est notamment prévu à 17h devant l'Office des étrangers à Bruxelles. Je vous rappelle que 2 familles ont été enfermées au centre 127 bis en vue de leur expulsion. L'une d'entre elles a été transférée dans une unité ouverte, unité qu'elle a préféré fuir. 2 cas de peste porcine africaine ont été détectés en province de Luxembourg. C'est ce qu'indiquait l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Elle insiste, la maladie n'est pas transmissible à l'homme. L'enjeu est davantage économique. Enfin, en sport, on a du football ce soir avec le début de la 7e journée de championnat. Le FC Bruges affronte l'Okeren. Début de la rencontre à 20h30. Achetez maintenant votre Seat ATK à partir de 17 999 euros. Prime de reprise incluse sous condition. Et tentez de gagner son remboursement. Info sur Seat.be. Seat. Le monde les attend. Non, Richard, n'exagère pas. La Belgique les attend. Ah oui ? Oui, enfin... Et encore, hein. Ils ont été élus pour réveiller la Belgique tout entière. On s'éloigne là, Richard. Des radios réveil humains programmés pour vous réveiller chaque matin, dès 6 heures. Là, tu t'emballes. Bah quoi alors ? Bah, c'est juste le 6-9 sur Énergie. Hein, Richard ? Eh oui, c'est nous, on est là à 6h33, bonjour. Bonjour. Et c'est vendredi. Oh oui. C'est le week-end qui va démarrer sur Énergie. On n'a pas la bonne musique, sans déconner, pour se lever de bonne humeur. Ça fait plaisir. On fait tout ce qu'il faut pour vous mettre de bonne humeur le matin sur Énergie, c'est le 6-9. On est là jusqu'à 9h et c'est comme ça tous les matins. Dans un petit instant, c'est le mot gagnant qui va arriver sur Énergie. On va jouer avec quelqu'un qui va pouvoir repartir avec du cadeau ce matin. Peut-être une enceinte Bluetooth. Ouais. On a des très très belles enceintes. Elles sont très jolies, très mignonnes. Ouais. Très ventouses. Oui, ça se ventouse et elles fonctionnent vachement bien. Et c'est pour ventouser dans la douche. Ouais. C'est ça, elles sont waterproof. C'est vraiment très pratique et vous pouvez même répondre au téléphone. C'est vrai que tu me diras sous la douche, c'est un peu compliqué. Oui, mais c'est vrai que parfois, tu as le téléphone qui sonne dans la douche, t'es un peu stressé, là tu peux répondre. C'est génial. T'as pas envie de mouiller ton téléphone. Allô, qu'est-ce que tu fais? Je suis sous ma douche. Et comment tu fais? C'est grâce à l'enceinte du 6-9, ma gueule. On vous offre ça dans un instant. Si d'ailleurs vous voulez venir jouer avec nous le matin, c'est très simple. Vous envoyez 3 petites lettres, c'est jeu par SMS au 78, c'est 1€ le message envoyé reçu. Et vous pouvez venir jouer avec nous dans un petit instant et gagner du cadeau. Jane qui arrive. Invention ce matin aussi dans quelques minutes. Ce qu'on peut, on peut être créatif hein. Et on est des grands créatifs nous. On va inventer des trucs qui n'existent pas encore. On vous en parle dans un petit instant. Et puis le mot gagnant c'est juste après. On sait déjà qui vient jouer ce matin ma chère Tiffany. Allô, vous m'entendez? Oui, mais je l'appelais justement. Ce sera Clarisse qui nous vient du côté de Rulle. Ah bien, ok, voilà. Et on va à Rulle dans un instant avec Clarisse. Et c'est le mot gagnant sur Énergie. 6h35, bienvenue. Just fine. short to look the nacho. Things gonna be. Into my dreams, darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love, I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy, I just really wanna move on. Things gonna be Énergie, bonne journée, un bon début de journée avec nous. Dadju dans un instant avec son nouveau hit. C'est les chiennes comme Django. Django. Django. Et ça rentre dans la tête, j'aime bien. Ah ouais, c'est très sympa, Django. Django. On écoute ça dans un petit instant sur Énergie. Avant ça, pour se réveiller, se mettre bien comme il faut pour ce vendredi. On va jouer ensemble au mot gagnant. Et c'est qui vient jouer avec nous ce matin? Clarisse, tu nous as dit, mais présente-nous un petit peu plus. Oui, Clarisse. Bah c'est Clarisse qui a 20 ans et qui nous vient de Rulle. Ah, voilà. Bonjour Clarisse. Salut l'équipe. Ça va bien. Salut. Clarisse, 20 ans. Et qu'est-ce que tu fais déjà debout à cette heure-là? Il y a du boulot, quoi? Ben oui, il y a du travail aujourd'hui au Luxembourg, donc bien obligé de se lever. Ah bah oui, bah courage à toi ma chérie, on est là ce matin pour t'accompagner. Merci. On va jouer ensemble et on va tenter de t'offrir du cadeau. On va jouer au mot gagnant, très simple concept. Tu vas avoir 20 secondes pour nous donner tout un tas de mots qui te passent par la tête. Un de l'équipe fera la même chose, un mot en commun entre vous deux et c'est du cadeau pour toi ma chère Clarisse. Ça marche. Avec qui as-tu envie de jouer ce matin? Il y a Aurélie Dareda, il y a Jérém, il y a Frisco, il y a Tiffany. Et, allez, je suis chaud, pourquoi pas avec moi. Oh, allez, je vais tester avec Jérém. Jérém, ok. Tu peux sortir le studio. Je sors. 20 ans, ne reviens plus jamais. Jérém quitte le studio. Oui, bah voilà, ferme la porte. Lui, c'est un tricheur. Ferme la porte et tu mets tes doigts dans les oreilles. Quel tricheur, sans déconner. Et bah, attention, on est parti, Clarisse. 20 secondes, tous les mots qui te passent par la tête, qui démarrent par la lettre. La lettre C, tiens, comme ton prénom, comme Clarisse. La voilà. Lettre C, la d'accord. Bah oui, comme Clarisse. C'est mignon, c'est de la mignonnade. On est parti, 20 secondes. Alors, carotte. Oh là là, chat, chien, camembert. Non. Mon Dieu, je suis pas assez réveillée. du charbon, une chaise, des claquettes. C'est fini. Et c'est pas mal, attends. J'ai même eu le temps de corriger mes fautes d'orthographe. Ah non, moi je tiens à te le dire, c'est vraiment pas mal, Clarisse, ce matin. Attends. Oui, c'est le réveil, c'est pas grave. Bon, 7 mots. C'est pas mal, 7 mots. Il y a moyen. On va voir si Jérém

Eh, ça me fait penser que Danser avec les Stars, on va bientôt en démarrer, les copains. Ah, c'est oui. Demain. Ah oui, c'est demain. 6h45 sur Énergie. Louis Fancy. Avec le petit Calipo, ça va être dans un instant. Mais non, c'est pas Calipo, c'est Calypso. Calypso. Ouais. Comme la piscine. Comme la... moi, j'avais une piscine quand j'étais petit, c'était le Calypso. C'est super, Jérémy. Merci, Jérémy. Bravo. Le fugitif énergie, vous le trouvez. Vous gagnez la somme incroyable de 20 000 euros. Le fugitif énergie avec les casinos Golden Palace, 20 000 euros. C'est en effet la somme extraordinaire que ce fugitif peut vous offrir. C'est une personne qui va quitter les studios énergie dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Mm-hmm. Et croyez-moi, il va tenir en haleine la Belgique tout entière pendant très longtemps, j'espère, puisque cette personne vaut la somme incroyable de 20 000 euros. Wow. C'est le fugitif énergie. Il va falloir le rechercher, ouais. Croyez-moi. Il peut à tout moment être à côté de vous, dans votre ville. À la piscine du Calypso. À la piscine du Calypso. Il peut, non mais c'est vrai, il peut, je sais pas, moi, être au resto à côté de vous, à la table d'à côté. Ouais. Ce serait dingue. Il peut être dans votre rue à n'importe quel moment. C'est le fugitif énergie. Soyez bien à l'écoute, puisqu'à partir de lundi à 6h05, 7h05 et 8h05, on vous offre des indices. Oui, parce qu'on les offre. C'est cadeau, c'est voilà. Voilà. Gratuit, ça fait plaisir. On vous donnera des indices pour essayer de le retrouver, évidemment. Je ne sais pas du tout ce qu'on a comme indice, hein, parce que nous, je vous assure, on est au courant de rien. Oui, et alors, c'est fou parce que moi, j'essaye avec le boss de savoir qui c'est. Arrête, Jérémy, arrête. Allez, dis-le-moi, je ne dirai pas l'équipe. Ils ne veulent vraiment pas le dire. Il n'y a personne qui le sait dans la boîte. Donc, autant vous dire qu'on va jouer aussi avec vous, parce qu'on va vraiment vouloir savoir qui est celui qui a eu 15 jours de congé. Imagine, il est à côté de nous. Arrête, non, mais ça va me rendre fou, je vous le dis direct. Non, mais pas à côté de nous ici dans ce studio, mais genre on se balade dans la rue et on fait eh, comment tu vas, ça va, ça fait longtemps, etc. Et en fait, c'est lui, et on sait pas. C'est ce qui va se passer, je vous le dis. C'est le fugitif énergie, rendez-vous dès lundi, 6h05, soyez là. Et n'oubliez pas, 20 000 euros à gagner grâce à ça. C'est le 6-9. Un homme va tenir en haleine la Belgique entière. Un homme qui vaut 20 000 euros. Cet homme arrive bientôt. C'est le fugitif énergie. Le fugitif énergie. Écoutez le 6-9 sur Énergie chaque matin pour en savoir plus. Avec Golden Palace Casino et Sport, nous prenons le jeu très au sérieux. Bon, on en était où ? À l'épisode 7, je pense. L'épisode 4, en fait. Attends. Quoi ? Ce qu'elle veut vraiment dire par... Attends, quoi ? C'est... T'as regardé 3 épisodes sans moi ? Bah, on avait dit qu'on regardait tout ensemble. C'est bon que j'ai regardé toute la saison sans toi, sinon je t'avoue que je serais fâchée, hein. Maintenant chez Proximus, vous pouvez regarder la télé et Netflix et téléphoner et surfer à partir de 49 euros par mois. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. En septembre, offrez-vous le confort Citroën grâce aux offres Confort Mania. Jusqu'à 8600 euros d'avantage et 50% sur toutes les options. Citroën. Conditions sur citroën.be. Si la Terre se réchauffe encore, le niveau des mers va monter. Sérieux ? On ira en bateau à l'école ? Wow ! Oh zut, mes devoirs sont trempés ! Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir. Maintenant, jusqu'à 200 euros de réduction sur eneco.be. Un resto à deux. Un ciné. Un anniversaire. Une journée à la mer. Une sortie au théâtre. Ne rien faire. Avec la nouvelle Audi A6 Avante, créez votre propre espace-temps. Gérez l'intégralité de votre infodivertissement à l'aide d'écrans tactiles intelligents. Vous avez ainsi plus de temps pour faire ce que vous aimez vraiment. Testez les technologies innovantes de la nouvelle Audi A6 Avante pendant les Audi Business Days et profitez de conditions exceptionnelles sur toute la gamme chez votre distributeur Audi. Chez Tempo Team Titre Service, nous recherchons des super Z ménagères. Bonjour, je suis la femme de ménage, je viens juste 2 minutes passer l'aspirateur, continuez. Donc, de super Z ménagères qui sont consciencieuses et qui s'investissent à 100%. Dans... Désolée, mais ces vitres sont vraiment sales. Oui, Tempo Team recherche donc... Voilà, comme ça au moins les gens vous verront bien. Mais en radio, il n'y a rien à voir. Ah bon ? Ok, bon. Êtes-vous une star du nettoyage ? Ou cherchez-vous quelqu'un capable de faire régner l'ordre et la propreté ? Alors surfez sur tempoteam.be ou appelez le 0800 30 130. Tempo Team ! Besoin d'une assurance auto. Je cherche en ligne. Oh, mauvaise connexion et trop d'informations. Oh, un simulateur. Date d'immatriculation. Ils ont de ces questions. Oh, c'est énervant, je perds mon temps. Allez, ciao simulation. J'ai une meilleure idée. J'appelle les AP. Véronique des AP Assurances, bonjour. Ouf, une vraie personne. Gardez votre conscience nette et l'environnement propre. Faites collecter les huiles usagées de votre entreprise et empochez une belle prime. Conditions sur valeurlub.be. Le samedi 15 septembre, prenez place autour de la table rouge dans votre Deleuze. Nous répondrons à vos questions sur Nutri-Score, ce logo de 5 lettres et 5 couleurs avec lequel mieux manger devient un vrai jeu d'enfant. En plus, vous pourrez déguster gratuitement nos céréales. Deleuze, du côté de la vraie vie. Action valable aussi dans les AD, Proxy et Shop & Go participants. 6h50 sur Énergie. Dans un instant, on parle invention, un petit top 3 des inventions très pratiques pour votre quotidien, vous allez voir. Avant ça, c'est Aurélie pour un point sur les routes. Un accident s'est produit sur la Nationale 4 à hauteur d'Ernage en direction... ça se passe dans les deux sens même. Le passage est difficile, la circulation est ralentie. Prudence. Allez, prudence et courage à vous surtout. Tous les matins. Tous les matins, dès votre réveil. C'est le 6-9 sur Énergie. Le 6-9 sur Énergie. Aïe. Bailalo, bailalo. Bump on the rhythm, bump on the bassline. Confident, you never get declined. Man, come off and beg your take time. Fonse and Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah. Come on. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Un, two, four. Calypso. One, two, three. Calypso. Te daré. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Un, two, four. Calypso. One, two, three. Calypso. Te daré. Très loin, tu comptes jusque 3 quoi. Des fois, il n'y a pas besoin de plus. Hein, de compter plus loin que 3, ça suffit. À vite suite, dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a, mon Jérémy? Je te vois là trépigner d'impatience. Je dois vous faire une annonce. Vous dire un truc de dingue. Ah non. Hein. Non, mais tu m'as fait peur. Tu vas pas te marier ça. Quand même. Hein. Pitié, non. Le mec, ça lui a donné des idées tout l'été. À 7h, je vous dis le truc. Et on fait ça dans un instant, parce qu'on va parler là maintenant des inventions. J'ai des inventions incroyables. Et c'est vrai, depuis toujours, il y a des chercheurs, des ingénieurs qui essayent tant bien que mal de nous faciliter la vie avec des petites inventions, des petits trucs sympathiques. Et je vous jure, il y a des bazars ici, je ne savais même pas que ça existait. C'est incroyable. Un banc rotatif, utilisable après la pluie. Un banc rotatif. Je vous montre l'image. Donc ça fait comme un volet, vous voyez, volet là que ça s'enroule. Et du coup, la face qui est mouillée, tu tournes. Je fais bien le banc rotatif. Super bien. Et du coup, c'est la face qui était en dessous qui vient devant, tu vois. D'accord. Et du coup, il n'est pas mouillé. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bon, faites pas ça en Belgique, ça sert à rien. Il pleut tout le temps. Ouais, c'est ça. Le temps que tu retournes le truc, il sèche pas, quoi. Il faut des bancs avec des parasols, enfin des parapluies. Ouais, c'est ça. Le ciseau à pizza. Ça, c'est magique. C'est quoi, c'est le, donc t'as la paire de ciseaux pour couper. Ah oui, et t'as okay. en fait la part, tu sais, comme une truc à tarte là. Ouais, ok, d'accord. Comment on appelle ça, une spatule là, la tarte, et ben, qui est collée au ciseau. Tous ensemble. Donc quand tu coupes, ta part est déjà. Ah, pas mal. Et du coup, tu connais la taille et tout de la part qu'il faut faire. C'est génial. Mais ouais, ok, d'accord. Quoi? Ça me paraît bizarre parce que le ciseau, il est que d'un côté. Il faut couper les deux côtés pour que ça fonctionne. Mais t'as coupé au préalable le côté. Ouais. Merci, Tiffany. un autre truc qui est génial, c'est l'essuie-miroir. Eh oui, quand vous prenez une douche avec dans la salle de bain, il y a de la condensation, à ce moment-là, la buée sur le miroir. Et voilà, c'est un petit truc que tu ventouses et ça fait comme un essuie-glace. Tu fais bzz, bzz, hop, et voilà, t'as plus la buée sur ton truc. Ah oui, c'est très pratique, mais ça doit être très moche. C'est très moche. Je te le confirme. Un autre truc qui est très sympa, j'en ai deux encore, j'ai la fourchette spéciale spaghetti. C'est vrai que c'est très galère quand on fait des spaghetti, faut tourner. Faut juste avoir la technique. Et au moment où tu lèves, paf, tout tombe. Tu vois, ça glisse. Les pâtes tombent de la fourchette. Faut juste avoir la technique, les gars. Oui, mais on n'est pas italien. ils ont fait une fourchette avec des dents ondulées, comme ça, et du coup. Les spaghettis ne glissent plus. Exactement. Du coup, ce matin, j'ai envie de vous demander un truc. Ça n'existe pas, mais je vais l'inventer. Ouais, je vous laisse le temps d'Avicii réfléchir un petit peu. On se fait ça dans un petit instant. Ça n'existe pas, mais je vais l'inventer. On fait un tour de table. Dites-nous aussi, vous, hein, 30-18 par SMS, ou alors vous appelez Tiffany. 0800-23456, c'est un numéro gratuit. Elle vous attend de pied ferme. Oui. Ouais. Alors, le pied de grue dans la grue. 0800-23456 sur Énergie. 6h56, bon réveil. Voici Avicii. Ça va être terrible, ça. Énergie, 6h59, c'est vendredi et on a décidé que tous les derniers vendredis du mois, on allait se faire une émission spéciale en public. Avec vous, avec tous les fifous, vous allez pouvoir venir nous voir, mais il faut vous inscrire, les copains. Ouais. Énergie.be, on vous a mis toutes les dates. Ça, vous pouvez choisir et du coup, vous organisez pour les congés, tout ça. Tout cool. Ça, Énergie.be, foncez et venez nous voir, émission en public. Ça sera le 28, la première, 28 septembre, dans 15 jours, on y est vite. Hein. Ma

Etso. No. Sur Énergie, leur miroir, c'est ton 7. DJ Khaled et Justin Bieber. C'est drôle, alors moi je mets mon réveil à des heures comme ça, genre 4h04, 4h20, enfin tu sais. Ouais, 4h24. Tu sais quoi? Je savais pas, j'avais pas compris leur miroir, mais c'est parce qu'il y a un 7 devant et un 7 à la fin. 7h07. Okay, bravo, 07, 07. On a plus digéré. Ah, c'est vendredi. Ça arrive dans un instant. Justin Bieber avec DJ Khaled. C'est dans quelques minutes sur Énergie. J'adore ce titre. Et il est très fort, DJ Khaled. Vraiment, il fait que des hits, le gars. We're the best music. Another one. Ah ouais, il est très très fort. On va ce matin parler. Enfin, on en parle déjà avec vous. Hein, ça n'existe pas. Mais je vais l'inventer. On parle de ça parce que je vous ai filé des top 3 d'inventions sympathiques. Terrible. On parlait de ça en fait parce que H&M a lancé des vêtements pour chiens. Ouais, c'est une superbe invention. On a ce matin avec nous Geoffrey qui est là. Salut Geoffrey. Salut, ça va les fichous? Ça va. Geoffrey est avec nous ce matin. Alors, ça n'existe pas, mais tu vas l'inventer. Tu vas inventer quoi? Ben, un attrape-con. Un attrape-con. Mais ça existe déjà, ça. Il s'appelle Sacha. Sacha? Si, dans Pokémon, ouais, là, il peut attraper les tous, non? Poké-con. Ça peut être pas mal. Ouais, il va falloir un gros réservoir, par contre. Ouais, c'est ça. À l'appel, hein. À l'appel, ouais, clairement. Merci d'être passé, Geoffrey. On te fait des bisous. On te souhaite une très belle journée avec énergie. Merci à vous aussi. Salut. Tiens, un petit tour d'équipe quand même. Tiffany, ça serait quoi, toi? Ça n'existe pas, mais tu vas l'inventer. Ah, mais moi, j'inventerai un mécanisme pour que dès que mon réveil sonne, mon grille-pain et ma machine à café se mettent en place. Et alors, je n'ai plus qu'à aller dans la cuisine et tout est installé et je n'ai plus qu'à manger. Oh, super, je suis tout emballée, mais après, je vais être déçue demain matin quand je vais devoir me lever et préparer ma tartine et mon café, quoi. Surtout que ton café va être cramé, ta tartine va être cramée et au final, tu vas rien manger. Oui. Pour préciser quand même que je suis une quiche en cuisine et que je ne sais rien préparer du tout. Mais tu sais qu'il existe des prises avec un programmateur dessus, hein. Et tu mets l'heure et je poupe. Pouf, oui, en route. Mais le pain va pas se mettre tout seul dans le grille-pain. Hein. Non, mais je le mets la veille. Hein. Tu l'enclenches et il va s'allumer. J'adore ce qu'a écouté Tiffany. On se croirait dans La Belle et la Bête, tu sais, le moment où. Elle a son grille-pain qui se met à chanter. Les tasses qui sortent des armoires, tu vois, qui se mettent à danser. Hey, petite bavette, Tiffany, on veille au reste. C'est vraiment ça, quoi. T'as cru que t'étais dans La Belle et la Bête. Pourquoi pas? Ça peut être très sympa. Jérém, ça serait quoi? Moi, ce serait une voiture. Alors, c'est deux concepts qui existent déjà, une voiture, machine à café. Quoi, la machine à café dans la voiture? Voilà, tu sais, t'as plein d'options. T'as le siège chauffant, t'as le toit ouvrant, t'as les vitres électriques, mais ils ont oublié de mettre la machine à café. Ah bah, tu sais, comme au bureau, t'appuies sur le bouton, café, petit, sucre, lait, voilà, et hop, t'as un petit gobelet qui sort. T'as une belle lumière bleue, c'est très important la lumière bleue, pour qu'on voit le café couler dans ton. Et alors, t'es dans ta voiture et tu perds pas de temps chez toi à faire couler le café. Eh, j'ai envie de te dire, what else? Et tu fais une pub avec Georges Clooney dans la bagnole. Mais c'est la classe. Et t'en vends blindé, j'en suis sûr. Et tu fais le truc où au feu, il est obligé de piler. filet, tu vois, et tout le café qui se renverse. Oh merde. Frisco, ça serait quoi, toi, si tu devais inventer un truc? Ah, un essuie-glace pour lunettes. Mec, j'en peux plus. Dès qu'il pleut, je dois retirer mes lunettes, les essuyer, ça me saoule. Je rentre dans un endroit où il y a une différence de température, il y a de la buée, je dois les retirer, je dois les essuyer, ça me saoule. Tu sais, il y a une autre invention qui est géniale. Hein. Les lentilles. Ouais, mais non, j'arrive pas à les mettre. C'est vrai? Je te jure, j'ai déjà essayé, j'arrive pas à les mettre. Mais normal, ça te changerait tellement sans tu les mets pas devant toi. Non, mais j'ai des trop gros doigts donc, pour les mettre. Non, je te jure, j'arrive pas. J'ai pour mettre des lentilles hein. Ouais, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Mon oeil, j'ai un rejet de l'œil. Mon œil ne veut pas. Je serais capable de retirer le globe, lui, au moment de retirer la lentille. On finit bien avec toi, Aurélie. Ça n'existe pas, mais tu vas nous l'inventer. Ah, ben ça va vous plaire. Un arbre qui fait pousser des billets de banque. Ah, bah oui. Ah, bah je dis oui. Hein. On nous a dit au 3018 le téléphone qui se décharge jamais. On nous a dit télécharger de la bouffe. Ah, oh, oui. C'est pour toi, Frisco. Ah, bah oui, avec plaisir. Faudra un forfait illimité pour ça. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night, it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put them up if you with me, yeah. This whole time, I blow the brains out of your mind. And I ain't talking about physically, I'm talking about mentally. She look at, she look like she nasty. She look at, she look like she classy. She look at, just look at her dancing. Look at, she look at, I took her to the mansion. You sneak out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. Change your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put 'em up if you with me, yeah. Il le dit another pas. One. DJ. Non, il le dit au début. DJ Milouz. Moziman dans un instant. C'est ce qui arrive pour vous côté hit ce matin, 7h14. Et j'ai du beau cadeau aussi pour vous gâter. Ah oui, c'est vendredi, c'est le dernier qu'on a. Vous gagnez votre iPhone 10 dans le 6-9 sur Énergie. L'iPhone 10, en effet, l'iPhone X a gagné. C'est du beau cadeau, hein. Un chouette objet, vraiment, qui vaut très très cher. Quand même. Pour un téléphone, ouais, un GSM, vraiment. Ça fait mal. Hein. Ouais, ouais, ouais. 1000 euros. Et ben nous, on vous l'offre pour 2 euros. Voilà, un petit SMS envoyé et reçu. C'est ce que ça vous coûte, 1 euro par SMS envoyé et reçu. Donc, ça fait 2 euros. Vous envoyez le mot code phone, P-H-O-N-E, phone, P-H-O-N-E, phone. Par SMS au 78, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. On vous gâte d'ici 9h. On vous appellera et on vous offrira ce beau téléphone. Et croyez-moi, à chaque fois, ceux qui gagnent, ils ont essayé au moins une fois. Ouais, c'est logique. C'est vrai. Phone par SMS au 78 pour vous inscrire. Bonne chance. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés. Toute la journée. Toute la journée. I guess you look happier. My friends told me one day I'll feel it too.

whatever you do, I go. You know I'm coming for ya, California. Oh, wherever I go, I know, you know I'm coming for ya, my California. Et moi je dis à Califourchon. Tu préfères? Ouais, je préfère. J'ai mis ça dans la tête à tout le monde au bureau et ils m'ont tous dit: ah, t'es chiant, hein, maintenant on entend Califourchon et pas. Matt Simons qui arrive dans un instant sur Energy. Et oui, elle nous en parle depuis lundi. Je vous jure, c'est vrai. Tiffany, et alors croyez-moi, quand t'as un truc dans la tête, c'est pas ailleurs. Hein. C'est pas dans ses baskets. Hein. C'est pas dans ses moufettes. À chaque réunion, c'était: oh, j'ai envie de vous parler d'Harry Potter. J'ai envie de vous parler d'Harry Potter. Ah, mais vraiment, mais tu vas nous parler d'Harry Potter? Mais oui, mais pas vraiment d'Harry Potter, puisque vous le savez peut-être, il y a le deuxième opus des Animaux Fantastiques qui va sortir le 14 novembre. Ah oui, évidemment, on le savait. Ben oui. Avec le beau Eddie Redmayne. Oh, moi, je craque. Et puis, justement, à cette occasion-là, il y a le cinéma Imagix de Mons et de Tournai qui organise un marathon Harry Potter. On va pouvoir se faire tous les films les uns à la suite des autres. Et ça, franchement... Vas-y, fais de la pub pour Imagix. Mais je pense que c'est dans tous les cinémas. Hein. Ouais, c'est un peu partout. Pâté Charleroi, à Braine-l'Alleud, je pense qu'ils le font aussi. Oui, je fais pas de la pub pour Pâté Charleroi, toi, arrête aussi. Mais en tout cas, c'est aussi organisé à Anvers et à Bruxelles. Et là, c'est voilà, toute la nuit. Et c'est génial, ça, le marathon de faire tous les films d'enchaîner. Il y en a combien? Il y en a 8, je crois. Il y en a 8, oui. Ouais. C'est waouh, t'es parti pour la nuit. Deux jours même. Mais vraiment, c'est sur deux jours. Hein. Ah oui, et tu dors sur place? Non, je pense que tu fais la nuit, tu rentres chez toi dormir et genre à 14h, tu reviens, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est génial. Oui, c'est ça. Ici, ça commence ce samedi à 14h et puis ça reprend le dimanche à 11h. Par contre, à Anvers et à Bruxelles, ils font fort puisqu'ils démarrent le samedi à 9h45, donc samedi 6 octobre, et puis ça termine le dimanche 7 octobre à 10h15. Ah ouais, bien. Donc tu te fais une nuit Harry Potter. Ouais. Ah ouais, oh, pouah. Mais évidemment, tout est décoré, le cinéma est décoré dans l'univers d'Harry Potter avec des surprises. Il y a une grosse toile d'araignée sur l'écran, tu vois, tu n'as plus rien, c'est génial. Est-ce que tu crois qu'on peut demander un mot d'excuse pour les parents qui vont avec leurs enfants et qui peuvent pas... Excusez, il n'a pas pu faire son devoir, nous étions aux deux jours au marathon Harry Potter. Et si on pouvait faire un marathon, tiens, un marathon, ce serait quoi toi, Frisco? Moi, un marathon de foot. Je l'ai déjà fait, hein. De foot. Le gars, il joue au foot maintenant. Mais c'est non, nouveau. Non, pas jouer, regardez. Ah oui, je me disais. Non, bien. J'ai déjà fait. J'ai regardé un match à 14h, donc à midi 14h, à 16h, 18 et 20. Ah oui, tu fais ça tous les week-ends. Non, mais je te jure, j'ai déjà fait. Et c'est sympa. C'est le marathon foot et en même temps, il mange des frites, quoi. C'est... Oui, j'allie mes deux passions. Et je reste couché dans mon canapé, comme ça fait du pire du coup. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Jérém, si tu pouvais faire un marathon, ou t'as déjà fait toi un marathon? Moi j'ai déjà fait un marathon, j'ai fait les 24 heures de tennis. De tennis, c'est ouais, terrible. Les 24 heures de la raquette, c'est à Wavre. Et c'est quoi, tu joues pendant 24 heures? Tu joues, alors tu joues pas tout le temps pendant 24 heures, mais c'est en équipe, et donc c'est des matchs de double, c'est deux contre deux. Et donc tu joues pendant une demi-heure, et ça commence à 18h, et ça termine bah, évidemment à 18h le lendemain. Mais il n'y a pas que du tennis, il y a d'autres, par exemple, il y a un concours de danse rock'n'roll, parce qu'il y a un DJ évidemment, on doit lancer des œufs le plus loin possible, il y a un concours de karaoké, donc pendant 24 heures, c'est plus tennis, mais il y a plein d'autres activités, c'est génial. Tu danses du rock and roll avec ta racket tennis. Yeah. Et ça peut être très dangereux. We can do better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad. Your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, 'cause history repeats. We've seen it around the world. Well, all that we're told is so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget before we go to bed and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. C'est ce qui arrive sur Énergie dans un instant, côté hit, 7h28. Merci de nous avoir choisis ce matin, c'est 6-9. Vous avez bien fait, je vous le dis. Ouais. On démarre ce vendredi tous ensemble, on vous accompagne dans un instant. Maroon 5, les infos à 6h30 et le 6-9 quiz qui arrive à 7h30. J'ai du mal aujourd'hui. Ouf. La sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. 7h30 sur Énergie, voici un point sur la météo pour aujourd'hui. On aura un temps sec avec des nuages, des éclaircies, des températures assez fraîches, hein, entre 5 et 10 degrés ce matin, entre 16 et 20 degrés cet après-midi. On s'informe, l'actualité de ce vendredi 14 septembre avec Aurélie Adam, bonjour. Bonjour, les Belges ne mangent pas assez de fruits et légumes. L'année dernière, on a compté 38 kilos de légumes et 47 kilos de fruits par personne. C'est à peine la moitié recommandée. Du côté des légumes, vous aimez particulièrement les tomates, les carottes et les oignons. Les jeunes, eux, préfèrent les tomates, les carottes et les poivrons. Du côté des fruits, les pommes, les bananes et les oranges arrivent en tête. Le prochain marathon de contrôle de vitesse est prévu pour le 17 octobre. La police fédérale et l'Institut Vias invitent les citoyens à signaler les emplacements qu'ils estiment dangereux. Un appel qui a été entendu par de nombreuses personnes, puisqu'en quelques heures, plus de 3500 emplacements ont été signalés. Vous pouvez le faire également via le site jeflashaussi.be. Je vous rappelle que la vitesse est mise en cause dans 30% des accidents mortels. Aux États-Unis, l'ouragan Florence s'apprête à toucher la côte Est. Il est accompagné de pluies diluviennes poussées par des vents soufflants à 150 km/h. La Caroline du Nord doit être le premier État touché par l'ouragan. Plus d'1 700 000 personnes ont été appelés à se mettre à l'abri loin du littoral. Enfin, en sport, en football, on débute ce soir la 7e journée de championnat. Le FC Bruges affronte l'Ockeren. Début de la rencontre, ça sera à 20h30. L'info énergie. Et comme tous les jours à 7h30, on se fait une petite info énergie à la cool avec Aurélie. On parle de quoi ce matin? Vous connaissez les prix Nobel? Oh oui, bah, j'en ai beaucoup moi sur ma cheminée, évidemment. Non, toi tu devrais plutôt participer aux anti-Nobel. Oh bah dis donc. Ça récompense des études qui servent à rien, en fait. Des études, des recherches qui servent à rien. Alors, parmi les prix qui ont été distribués hier, il y a une étude publiée par deux Américains sur les effets positifs de virer en montagne russe sur les calculs rénaux. Bien sûr. Super. Pourquoi pas. Une autre étude qui a été récompensée, elle concerne l'imitation des chimpanzés par les humains et des humains par les chimpanzés dans les zoos. Ah oui, c'est voilà. Bon, ça peut être intéressant. Et puis, il y a aussi des Français qui ont été récompensés. C'est une étude qui démontre que des œnologues, donc les professionnels du vin, peuvent détecter à l'odeur la présence d'une mouche dans un verre de vin. Voilà. Ah ben, c'est génial. C'est très utile. C'est l'odeur très d'une mouche. Oui, mais je ne savais pas qu'une mouche, ça sentait, mais voilà. Et en même temps, il la voit, je ne sais pas, avant de la sentir. avant tout ça, c'est normal, quoi. Oui, je sais pas. Pour terminer, j'ai quand même l'anti-Nobel de la paix qui est remis à une équipe d'Espagnols et de Colombiens qui ont mené une étude sur les raisons qui poussent les conducteurs à jurer et à insulter les autres au volant. C'est vraiment des études bizarres. Hein. C'est une passion pour moi, je dis au volant. Merci Aurélie. Bon réveil avec nous ce matin, 7h34. Mon Jérémy qui voulait nous faire absolument une confidence. J'ai envie de te dire, fais-la maintenant, sinon on ne pourra pas le faire. Et j'espère qu'elle est bonne. Hein, je fais vite. Vous savez que cet été, j'ai passé mes étés dans des... Mariage. Exactement. Il ne va pas nous annoncer ça. Je pensais être débarrassé. J'ai reçu une demande, pas de mariage, mais d'invitation. Une invitation. Encore. Donc, c'est pas une blague. Ouais. Elle vient de mon parrain. Et il m'envoie une photo. Wedding in Las Vegas, le 12 octobre. Je lui dis déjà, je peux pas être là le 12 octobre. Tu aurais pu m'appeler plus tôt. Dans la chapelle où Johnny Hallyday s'est marié. Mais non. Si, il va se marier là-bas. Et il me dit, ne t'inquiète pas, tu dois pas être sur place. Ah. Tu devras juste être branché sur Internet. Tu vas pouvoir assister au mariage en vidéo, en streaming sur le net. C'est génial. Donc voilà. Oh, terrible. Oh, je pensais être débarrassé, mais au final, je peux rester dans mon salon, manger ma petite frite et regarder mon parrain qui se marie. On peut venir avec toi. Ouais, si vous voulez, franchement, je vous invite et on regarde le mariage c'est de mon génial. Parrain. Mais on fait ça. On met ça sur un rétroprojecteur et on se met tous en costume, comme si on y était. Oui. Ce serait super drôle. Eh ben, on fait ça, on s'invite au mariage du parrain. Ça va être énormissime. Ah oui, j'ai hâte de te voir. En plus, c'est dans la chapelle où Johnny Hallyday s'est marié. Ça, c'est la classe. Ouais. Optique 2000. Tiffany en robe, je paye cher pour moi. Mais non, mais justement, si c'est de la maison, tu peux rester en pyjama. Bah non, t'as pas compris, c'est un mariage, on va quand même s'habiller, non. Voici Maroon 5 sur Énergie, bienvenue, c'est le 6-9. Achetez maintenant votre Seat Ateca à partir de 17 999 euros. Prime de reprise incluse sous condition. Et tentez de gagner son remboursement. Info sur Seat.be. Seat. Bon réveil. Avec le 6-9 sur Énergie. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the week getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us, but now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I 7h38 sur Énergie. On démarre vendredi ensemble. Eh oui, c'est vendredi, c'est la fin de semaine. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle de ce matin. Tiesto qui va arriver dans un instant. C'est Jackie Chan qu'on va écouter. Et à 7h38, comme tous les vendredis, on se fait le 6-9 quiz. Ah oui, on aime beaucoup. C'est parti. Qui vient jouer avec nous ce matin au 6-9 Quiz? Alors, c'est Christina qui est étudiante en management et tourisme et du tourisme et du loisir. Elle fait de la danse jazz et afro. Et alors, elle aime l'émission Koh-Lanta et TPMP. Ah, bien. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup aussi Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est un peu, ça me fait penser à la musique de MHD. Ah, mon ami à Koh-Lanta. Voilà. Elle sera venue donc 3 semaines avec nous. C'était chouette. Merci d'être venue, Tiffany. C'est génial. Christina est avec nous. Salut, Christina. Bonjour. Bonjour, sois la bienvenue Christina dans le 6-9. Merci. On va jouer ensemble au 6-9 quiz. Le 6-9 okay. Quiz, c'est un quiz pour vous les fifous. C'est-à-dire que c'est votre, vraiment c'est votre quiz, c'est votre moment. On réécoute des bons moments de la semaine et on vous pose des questions. Voilà, ouais. Gita, et ben tu sais quoi, ce matin je suis gentil, c'est vendredi. 3 questions, une bonne réponse et t'auras du cadeau. Ok, ça va. Ouais, je suis. Sympa quoi le mec. Ouais, je suis très. Il change les règles. Ouais, normalement c'est 2 sur 3. Bon, après, je te souhaite de faire 2 sur 3 quand même, Christina, mais on sera sympa. Je vais essayer. Concentration. Voici la première question. Comment s'appelle notre maître du duel actuel qui a d'ailleurs une cagnotte à 1500 euros? C'est Benjamin. On vérifie. Une seule bonne réponse pour Benjamin, ça fait 100 euros de plus et tu restes notre maître du duel. Eh ben oui, c'est ça, Benjamin, bonne réponse. Mais oui, attends. Bravo. Ouais, du coup, 2 sur 3, Christina. Hein. Ah, tu changes les règles. T'es un peu plus forte qu'on ne pensait. Cette semaine, on a découvert que quelqu'un dans l'équipe puait des pieds. Mais de qui parlons-ils? De qui parle-t-il? De qui veut faire semblant de bien parler? Mais de qui parlons-t-il? De qui parlons-t-il? De qui on parle? À ton avis, qui pue des pieds dans l'équipe? Là, je suis pas du tout sûre. Je dirais Jérém, mais vraiment. Non, je ne pue pas des pieds, moi! Non, c'est pas Jérém. Ça te fait marrer, toi. Oui, j'adore. Parce que je me doutais bien que si c'était pas la bonne personne, ça allait être tout de suite, tu vois, un petit peu embarrassant. On réécoute ce grand moment et comme ça, on va savoir qui pue des pieds dans l'équipe. Une moufette. Quoi ça? Avec une moufette, là, quand ça pète, ça pue. Une moufette. Ça ouais, s'appelle un putois, ça, chouchou. Un putois, ouais, moi j'appelle. Une moufette. Non, ça existe, la moufette. Ah, ah ben voilà. Bien sûr. Merci, Aurélie. On a appris quelque chose de Tiffany ce matin. Quoi, c'est possible. Et donc, dans tes chaussures, c'est des moufettes que tu as. C'est vrai qu'il fallait plus des pieds et. Un truc de malade. Hein. Je vais appeler ces chaussures les moufettes. Est-ce que tu nous as mis des moufettes encore aujourd'hui? Oui, mais avec des chaussettes, hein, quand même. Oh là, j'en peux plus de ces chaussures, je vous jure, ouais, je les vois. Je... Mais elles sont tellement confortables. Mais on s'en fout, ça pue. Et elles sont tellement insupportables. Allez, Christina, la dernière question, là, ça va le faire, je pense. Cette semaine, on a parlé d'un Français champion d'Europe en cri d'animal. Et du coup, dans l'équipe, on a essayé de faire ce cri. Mais à ton avis, de quel animal il s'agit? Il y a plus d'une, non? On peut te donner deux propositions. Je te donne deux propositions. Est-ce que c'est le brame du cerf, d'accord, ou le cerf du brame? Le brame du cerf. J'en peux plus de lui. On réécoute ce moment. Chacun son tour, on va tenter de faire le cri du brame. Allez, Jérém, tu te sens prêt? Mais il faut être malade pour faire ça. Un hein. petit peu, ouais, faut faire une petite toux grasse. Ouais, c'est ça. Je te fais réécouter. Ouais. Si j'avais su un jour que je devrais faire le cri du brame, enfin le brame du cerf, pardon. Je serais peut-être pas venu. Il y a la vidéo qui est à voir d'ailleurs sur notre groupe Facebook, les fifous du 6-9 sur Énergie, pour voir tout le monde qui fait le cri du brame, c'est assez magique. Hein, ouais. Et pour le coup, Jérém, c'est très magique. Et ben Christina, c'est gagné ce matin, bravo, bravo. Merci. J'appuie sur tous les boutons. On t'offre du cadeau, Christina, on te laisse choisir. Tu as l'opportunité de repartir soit avec 4 places de ciné, la dernière compil Énergie, ou alors notre enceinte Bluetooth. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? L'enceinte Bluetooth. L'enceinte Bluetooth, eh ben, je t'envoie ça à la maison, Christina. Alors, avec plaisir. Ben merci beaucoup. Mais oui, je te prépare le colis juste après l'émission et je m'en occupe et voilà, ça partira à la poste aujourd'hui. Ok, ça va. On te souhaite une très belle journée, Christina. Merci à vous aussi, merci l'équipe. Bah, gros bisous, salut Christina. Vous aussi, vous voulez venir jouer avec nous, tentez votre chance de gagner du beau cadeau. Vous envoyez jeu, les trois lettres jeu par SMS au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. 7h43 sur Energy. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', down on callin' South Beach, yeah. Look like Kelly rollin', this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess dinner's on me. Got you, know I got the sauce like a recipe. She just wanna do it for the grand. You know you. She just want this money in my hand. I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. So alive, ay. She don't wanna think, she don't wanna be no wife. She ay. Just wanna stay up late, she just wanna stay no wife. Can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Bonne matinée, on est là sur Energy, 7h45, on vous offre de l'iPhone ce matin, l'iPhone X pour chez vous à la maison, ça va tomber avant 9h, si vous voulez le gagner c'est très simple, hein. Vraiment ça va très vite, c'est un petit message, un petit SMS à envoyer, le mot code PHONE, P-H-O-N-E, PHONE par SMS au 78-6018, c'est 1€ le message envoyé et reçu, inscrivez-vous et on vous offre l'iPhone ce matin, ça va vous faire plaisir, joli, c'est le tout nouveau X et il est vraiment très joli. Ça, c'est ce qui arrive pour la suite des hits 5 Seconds of Summer. Et alors, on va parler petit-déj dans un instant. On va parler de croissant. Il y a un mec qui a osé toucher au croissant et nous modifier le croissant. Sacrilège. Je suis très fâché. C'est un sacrilège. Moi, je vous le dis. On en parle dans un instant. Restez là. C'est le 6-9. Dans quelques jours, il va devenir la personne la plus recherchée de Belgique. Pourtant, il n'a commis aucun crime. Au contraire, il va vous faire gagner 20 000 euros. Si vous le trouvez. Tous les matins, 6h05, 7h05 et 8h05, le 6-9 donnera de nouveaux indices sur Énergie. Le fugitif Énergie, partout en Belgique. Vous le trouvez, vous gagnez 20 000 euros. Avec Golden Palace Casino et Sport, nous prenons le jeu très au sérieux. Remboursez facilement vos amis pour la soirée pizza ? In the pocket ! Avec la PNG Smart Banking, vous remboursez vos amis tout de suite. Vous avez entre 18 et 25 ans ? Ouvrez maintenant votre premier compte à vue ING gratuit et recevez 50 euros. Infos et conditions sur ing.be/jeune. Monsieur le directeur. Si c'est pour me dire que vous avez gagné à l'euro-million, je sais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai oublié le dossier Morin à Copacabana. J'ai passé le week-end là-bas. Non, je suis désolé. Ils vont vous l'envoyer par coursier. C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Vendredi 21 septembre, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Le SUV Opel Mokka X. Déjà à partir de 299€ par mois, entretien, taxes et assurances inclus. Vous n'avez plus qu'à faire le plein. Offre sous condition. Grande collecte chez Shoe Discount. Déposez vos chaussures, sacs à main et vêtements réutilisables et recevez un bon de réduction de 10€. Si la Terre se réchauffe encore, le niveau des mers va monter. Sérieux ? On ira en bateau à l'école ? Wow ! Oh zut, mes devoirs sont trempés ! Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir. Maintenant, jusqu'à 200€ de réduction sur eneco.be. Collect and go. Ah, comme c'est loin, le temps où je stressais dans les files pour aller faire mes courses. Oh. Et oui, sur collectandgo.be, on fait les courses à votre place. Et vous, vous profitez du reste. Collect and Go, le service de course en ligne de Colruyt Group. Il y a des jours où la chance vous sourit. Vous évitez in extremis de renverser votre tasse de café sur votre laptop. Vous arrêtez votre geste juste avant d'effacer ce dossier hyper important. Vous admirez cette robe dans la vitrine quand le freinage automatique d'urgence de votre Seat Ateca empêche la collision avec la voiture devant vous. Venez découvrir ce SUV hors du commun durant les portes ouvertes du 12 au 22 septembre. Il est à vous à partir de 17 999€, prime de reprise incluse sous condition. Seat Ateca, faire de chaque jour un grand jour. Seat. Si vous aimez les petites cooks, on va en parler dans un instant. La cook va changer de look. C'est dans quelques minutes sur Énergie. Avant ça, un point sur l'infotrafic, Aurélie. Un véhicule est en panne sur la Nationale 5 à hauteur de Mariembourg en direction de Couvin. La bande de droite est bloquée. Il y a un objet encombrant sur le 411 à hauteur de Transine en direction de Bruxelles. La situation est dangereuse. Autre objet encombrant sur le 411, il se trouve à hauteur de Wellin en direction du Luxembourg. La bande de gauche est bloquée. Prudence. You pushing up, pulling away from you. I giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, that is that. And I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it, all of the time, yeah. Young blood, see you want me, back in your life. So I'm just a dead man calling tonight. Cause I need it, yeah, I need it, all of the time, yeah. Lately our conversations end like it's the last goodbye. One of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. À 52, ça va vite, hein, comme quoi. On a vite fait de prendre une minute. 7h52 sur Énergie, Lou Midi qui va arriver dans un instant. Oh, côté terrible. Hit. Ah, ça va être très sympa. Lou Midi. Ah, mais il est 7h50, il n'est pas midi. Oh là là là. J'en peux plus. Excellent. Alors, ça, est mauvaise vanne, j'ai envie de te dire, mon Jérém, ça fera 5€ dans la cagnotte. Oh non, oh, si, non, si, non, si. La cagnotte, la cagnotte, la cagnotte. De ma popoche. De ta popoche. Oh, ouais. 5€ pour cette mauvaise vanne, vraiment, interdit. On sait pas encore ce qu'on fera avec sa cagnotte, mais pour l'instant, elle est à combien elle est occupée, ouais, elle est mais occupée. On est à 20€, je crois, hein, donc on est pas mal. On est pas ouais, mal, ça démarre bien. Je suis le fournisseur officiel de cette cagnotte, à 10€. Alors attention, les puristes vont hurler, je pense, ce matin. Il faut dire au petit déjeuner, il y en a c'est Kellogg's, il y en a c'est Cornflakes, il y en a ouais. C'est... Enfin, c'est la même chose. Il y en a c'est le croissant ou la petite couque ou le pain au chocolat. Eh ben, c'est sacré, c'est vrai, faut pas toucher. Il y en a un, il a osé. C'est un pâtissier suédois, il s'appelle Bedros. Déjà, t'as compris que le mec est pas... Voilà. Bedros, quoi. Bah, il a pas choisi, hein, Marco. C'est le cousin à Guy. Guy Bedros. Ouais, la cagnotte. La cagnotte. 5 euros. Guy Bedros, l'autre. Et alors, il a osé faire un truc de fou, c'est qu'il a touché à l'esthétique du croissant. Comment ça? Oui, le croissant, c'est comme un croissant, quoi. Un croissant de lune ou un croissant. C'est ça que ça porte ce nom, quoi. Exactement. Et bien, lui, il l'a rendu comme un cube. Carré. Mais non. Tout carré. Un cube. Il y a une brioche. C'est devenu un gâteau. Non, c'est un croissant, toujours, mais en cube, quoi. Mais c'est nul. J'ai même envie de vous dire sacrilège. On ne touche pas au croissant, finalement. Mais on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Tu le laisses tel qu'il est. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, non, vraiment. Eh bien, vous savez quoi? J'ai envie de parler de ça avec vous ce matin, les sacrilèges. Tu sais, c'est sacrilège. Genre, il faut pas... Non, tu touches pas ça. Sacrilège. Restons dans les cookies et tout ça. Moi, il y a un truc que je trouve, c'est sacrilège. C'est t'achètes une cookie au chocolat et tu te rends compte qu'il n'y a qu'une seule barre de chocolat à l'intérieur. Oh, l'arnaque. Oui, ça c'est honteux. Ça, je suis désolé, c'est sacrilège. Sacrilège. Dites-nous ce qui est sacrilège pour vous. 0800 234 56, c'est un numéro gratuit pour appeler Tiffany. Et vous venez à l'antenne en parler avec nous. Sacrilège. Non mais c'est vrai, il y a plein de trucs, hein, je vous le dis. Ça serait quoi pour toi, mon Frisco? Moi, c'est les pâtes au ketchup, les gars. Impossible, je sais qu'il y en a, je sais, notamment Jérém, il en bouffe. Non, j'en mangeais quand j'étais petit. Non, c'est pas sacrilège. Si, c'est sacrilège de dingue. On met pas du ketchup dans des pâtes. Non, enfin. Des pâtes avec de la sauce tomate, c'est pas avec du ketchup. Eh ben. Oh, ouais, ok, le ketchup c'est de la tomate. Y a quoi? Je voulais dire, il y a quoi dans le ketchup? Mais non! Sauce tomate! Sacrilège! Le tout dernier bijou d'Apple, l'iPhone 10, si vous voulez le gagner, très simple, vous envoyez phone, P-H-O-N-E, phone, par SMS au 78, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. On vous offre ça avant 9h, c'est le dernier qui nous reste, le dernier de stock. Il n'y a plus, faut commander. Et le payer surtout. Et le payer, oui, c'est surtout ça. Ça arrive très vite. Hein. On a déjà une fifou qui nous a envoyé un message sur la page, enfin le groupe Facebook, qui a gagné lundi. C'était Letty. Elle a déjà son iPhone chez elle. Parce qu'en fait, il est arrivé. C'était lundi et elle a déjà. Donc ça va très vite. Hein. Vous gagnez aujourd'hui, vous l'aurez semaine prochaine, hein, sincèrement. C'est top ça. Envoyez donc maintenant phone par SMS au 78, 1 euro le message envoyé et reçu. On a Alvaro Soler qui arrive. Et à 8h05, comme tous les jours, c'est le duel énergie avec le retour de Benjamin. Et c'est notre dernier duel avant une petite pause. On vous explique tout pourquoi dans un instant. La nouvelle Volvo V60 est le break idéal pour toutes les familles. Les petites. Les grandes. Mais aussi pour les nouvelles familles. Celles avec deux papas. Ou deux mamans. Des frères. Et des demi-sœurs. Les familles qui, une semaine, sont à deux et l'autre à cinq. La nouvelle Volvo V60 allie sportivité, élégance et espace intérieur. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 10 au 15 septembre. La nouvelle Volvo V60, le nouveau modèle familial. Il est 8h sur Énergie. Bienvenue. And you're listening to Énergie. La sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. Alvaro Soler qui va arriver sur Énergie à 8h05, le duel Énergie. Avant ça, voici la météo pour aujourd'hui. Des nuages, des éclaircies, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Entre 5 et 10 degrés ce matin, entre 16 et 20 degrés cet après-midi. Aurélie Adam pour nous informer, l'actu de ce vendredi 14 septembre. Bonjour. Bonjour, vous êtes nombreux à vouloir des radars près de chez vous. Le prochain marathon de contrôle de vitesse aura lieu le 17 octobre. Hier, la police fédérale et l'Institut Vias ont lancé un appel aux citoyens via le site jeflashaussi.be. Vous pouvez signaler les emplacements que vous considérez comme dangereux. Et en quelques heures, plus de 3500 emplacements ont été signalés. Plusieurs rassemblements ont lieu aujourd'hui contre l'enfermement des enfants en centre fermé. Il y en a 8 de prévus au total dans tout le pays. Un rassemblement est prévu à 17h devant l'Office des étrangers à Bruxelles. Rappelons que 2 familles ont été enfermées au centre 127 bis en vue de leur expulsion. L'une d'entre elles a été transférée dans une unité ouverte, unité qu'elle a préféré fuir. On termine avec du sport et du football. On débute la 7e journée de championnat ce soir. Le FC Bruges affronte l'Okeren. Début de la rencontre à 20h30. Maintenant chez Bellisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Passez chez Bellisol avant le 23 septembre. Bellisol. Châssis et portes sans souci depuis plus de 40 ans. Sur Énergie. Allez, debout, allez. Oh, ça va. Allez, comme ça. 8h02 sur Énergie, c'est le 6-9 qui est là. Bonjour. Alvaro Soler côté Hit. Dans un instant, il y a le duel Énergie qui débarque à 8h05, comme tous les jours. Et toute l'équipe est là. On est là avec les fifous du matin. Il y a Tiffany au standard. Oui, bonjour. Ouais, Tiffany, tu es... J'ai envie de te dire, ce matin, tu es... Bon, oula. Bon. Oui, j'ai enlevé les paroles pour pas que... On n'a pas droit à ça tous les matins, hein, mais ça fait plaisir. Il y a Aurélie Darena qui est avec nous. Bonjour. Il y a mon Jérém. Bonjour. Il y a Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Et je tiens à faire un big up à la coiffeuse de Aurélie, puisqu'Aurélie a une nouvelle coupe ce matin, toute fraîche, toute belle. On va mettre ça sur Instagram, tiens. Oui, tout à fait. Ouais. On remercie Eder. Non, pas Eder. Esther. Esther. On n'était pas loin. Eder, c'est celui qui a marqué en finale de Coupe d'Europe avec le Portugal. Esther, eh ben, on va faire un gros bisou. Voilà, Esther qui paraît qui vient nous rejoindre pour la première fois ce matin. Sois la bienvenue. Et reste parmi nous, tu vas voir, c'est sympa ici. On rigole bien. On rigole bien. Alvaro Soler qui arrive tout de suite. Et puis, on vous rappelle, le duel Énergie, ça débarque dans un instant. Un petit peu d'émotion ce matin, puisqu'on va devoir faire une pause. Et bah oui, parce qu'il y a le fugitif Énergie qui arrive. Ouais. Et forcément, en 8h05, on pourra pas faire et le duel et le fugitif. Ah bah ouais. Ça arrive dans un instant. Voici Alvaro Soler. Brilla como el sol, su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. ¿Por qué no bajamos a la playa para así practicar? Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Si te besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Sur Énergie, Kenji. Pour oublier. Allez, vale, vale, vale. Ça dans un instant sur Énergie. Qu'est-ce qui est sacrilège ce matin? Dites-nous, sacrilège. Il y a un mec qui a sorti des croissants, mais des croissants carrés. Il est sacrilège. Fou. Sacrilège. Dites-nous ce qui est sacrilège. Vous envoyez ça au 3018. Vous nous appelez 0800 234 56. Et là, comme tous les jours, aux alentours de 8h05, voici le duel Énergie. Duel Énergie. Benjamin, notre Benjamin qui est notre maître du duel. 5 participations, il est à 1 500 €. Pas mal. Prends la solution offensive. Offensive. Il revient ce matin pour une 6e participation. Benjamin, bonjour. Salut l'équipe. Salut. Benjamin, sache-le, je l'ai dit juste avant, mais je vous le redis, il y a le fugitif Énergie qui débarque à partir de lundi. Ça va être une folie totale, je vous le dis. On n'est pas prêts, les gars. Hein. Cette fameuse personne qui vaut 20 000 € qui va se balader partout en Belgique, faudra la trouver. On va donner des indices à 6h05, 7h05 et 8h05. Aïe. Donc du coup, on vous cache pas qu'on met le duel en mode pause pendant le temps du fugitif. Voilà. Jusqu'à quand on l'a trouvé. Oui, bah, alors faites vite quand même, hein, histoire que, qu'on puisse faire le duel pas au mois de janvier, ça serait pas mal. Mais donc, même voilà. Le fugitif, il va nous appeler au bout d'un mois, il va faire, hey, gars, j'ai envie de rentrer chez moi là. Donc voilà, sache-le, Benjamin, si tu gagnes aujourd'hui, eh ben, bravo à toi et tu reviendras dans peut-être 2-3 semaines, je sais pas combien de temps va durer ce fugitif. En même temps, j'espère le plus tard possible parce que ça va être cool. Ouais, ça va être génial. Ça va bien, mon Benjamin? Ça va, ça marche. Eh ben écoute, on est là au taquet. Qui vient challenger Benjamin ce matin? Alors c'est Anthony qui est fonctionnaire, donc autant te dire qu'il n'a pas souvent travaillé. Il est marié. Il est marié. Il a une petite fille de 6 ans qui s'appelle Noémie et qui est dans la voiture avec lui et qui va jouer avec lui. Il aime le football et il aime aussi regarder les émissions comme TPMP ou Chasseurs d'appart. Et donc je peux te dire, Benjamin, que ça va être une claque orientation plein sud si jamais tu perds aujourd'hui. Elle est folle. Mais t'es pas bien ou quoi? Non, mais pour ma décharge, Anthony m'a fait la blague hier. Ah, okay. Ça va. Donc il ne m'en voudra pas de l'avoir redite aujourd'hui. Oh, bonjour, bonjour Anthony. Salut l'équipe, salut les fifous. Salut. Merci, hein. Bah oui, bravo. Hey, tu sais quoi, tu peux lui demander la cagnotte. Hein. Ah, il n'y a pas de problème, je te montre la cagnotte. La cagnotte, la cagnotte, la cagnotte. Eh bah tu sais quoi, je te laisse même choisir le montant qu'elle devra mettre dans la cagnotte. Allez, je vais être gentil, 10 €. 10 €. C'est vrai, t'es sympa, Anthony. La cagnotte, on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Non, non. Mais dès qu'il y a une boulette, dès qu'il y a une mauvaise blague... Je suis fonctionnaire du matin, hein, comme on dit. Je suis à cette heure-ci. Non, mais oui, la cagnotte, voilà, on met des sous dedans, on verra ce qu'on fait avec après. Chaque chose en son temps. Duel énergie, ce matin, les garçons, vous allez rire, mais on va jouer avec les boys band. On l'avait promis, un spécial boys band ce matin. Ou girls band, oui, c'est les deux. Je vous rappelle, 5 extraits d'une valeur de 100 euros chacun, 500 euros à vous faire peut-être ce matin. Et votre buzzer, c'est votre prénom. Benjamin, il n'en peut plus. Prénom. J'en peux plus. On dirait Chantal là-dessous. Voici le premier extrait, c'est parti. Anthony, on t'écoute. To be three. Il a l'air chaud. Anthony. Il est au taquet, Anthony. Hein. Je pense qu'il est chaud patate. To be three. Eh ben, ça fait 100 euros. Eux, ils ont dû regretter d'avoir chanté ça quand même. Vas-y. Sans retour, c'est bon. Eh ben, ça fait 100 euros pour toi, Anthony, si tu deviens notre maître du duel ce matin. Tout est encore possible. Merci. Benjamin, Anthony, voici le deuxième extrait. Benjamin, qui est le premier. On t'écoute. Les Pussycat Dolls. Non, c'est pas les Pussycat Dolls. Anthony. Tu peux? Oui, tu peux, évidemment. Destiny's Child. Le groupe Pion, c'est les Destiny's Child. Anthony, il est chaud ce matin, les Destiny's Child, le groupe de Beyoncé. Ça fait 200 euros, Anthony. C'est le groupe de Beyoncé ou de Beyoncé? De Hulk, c'est pareil. Hein. Ah, j'adorais ça. Eh, 200 euros pour toi, Anthony. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, mon Benjamin? On a perdu la main? Bah, on dirait. Allez, Benjamin, Anthony, voici le troisième extrait. Anthony, tout peut se jouer maintenant. Si tu remportes celui-là, tu deviendras le nouveau maître du duel. C'est parti. On se croirait une séance de pénalty. Allez, c'est parti. Attention, concentration. Écoutez, voici l'extrait. Benjamin. The One Direction. The One Direction, Benjamin. Eh ben oui, c'est ça, mais oui. J'ai l'impression que t'es cherché les disques à la cave. Bah écoute, les boys band, c'est plus vraiment actuel. Hein. Ouais, c'est plus très à la mode. C'est vrai. Eh ben, ça nous fait donc 200 pour Anthony et 100 pour Benjamin. Ouais. Benjamin, il n'est pas encore parti, le Benjamin. Je vous le dis, attention. Il est là. Il faut se méfier du Benjamin qui dort. Les garçons, voici le quatrième extrait. Benjamin. Ça a été très très rapide. Benjamin, c'est toi qui as la main. On t'écoute. Les Spice Girls, ça fait 2 à 2. 200 euros aussi pour Benjamin. Bon, et c'est une première fois où nous avons une finale au duel. Un 2-2. Si personne ne trouve... C'est chaud. Là, je sais pas, ça serait le premier cas de figure. Eh ben, on ira en chercher un vieux, je te le dis. En tout cas, non, mais vous allez trouver. Attention, Benjamin, Anthony, concentration, le premier qui donne son prénom aura la parole. Si c'est la bonne réponse, il deviendra ou restera le maître du duel. Voici l'extrait. Benjamin. C'est Benjamin qui a la main, qui l'a dit en premier. Benjamin, on t'écoute. Le Backstreet Boys. Le train numéro. Les Backstreet Boys, tu nous dis. Ah là là là là là là là là là là là là. Benjamin reste notre maître du duel. Eh ouais, c'était bien les Backstreet Boys. Et bravo Benjamin, ça fait donc 300 euros pour Benjamin. Il s'est bien réveillé. Hein. Ah oui, d'un coup d'un seul. Hein. Ouais, ouais. Anthony était quand même pas mal. Franchement, Anthony était un vrai challenger ce matin, il faut le dire. Ouais, c'était difficile aujourd'hui. Ah ouais, mais c'est pas mal, vraiment, t'as bien challengé moi Anthony, bravo, tu reviens jouer quand tu veux Anthony. Ouais, apparemment il veut plus. On te souhaite une belle journée Anthony et Benjamin. Bah, du coup tu reviendras dès que le duel énergie reviendra. Dès que le fugitif sera trouvé, le duel sera de retour. Voilà, comme ça vous le savez. T'es en congé. T'es en congé pendant quelques temps. Profites-en bien. Hey, Backstreet Boys, c'était, en plus c'était pas facile à trouver. Hein. Oh, j'adore. On peut la mettre. Ça ? Ouais, s'il te plaît. Cette chanson-là. Mais si. Oh oui, s'il te plaît, Marco, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On va pas mettre les Backstreet Boys, les gars. Ah si, moi j'adore. Benjamin. Allez, tu sais quoi ? On fait un voting. L'équipe Backstreet Boys, qui veut les Backstreet Boys ? Moi, je veux bien. Ouais, ok, super. Benjamin, on met les Backstreet Boys ou pas ? Bah ouais, allez, pourquoi pas. Allez, tu envoie la pub et puis on met les Backstreet Boys. On est mal. Les Backstreet Boys, très bien. Bon, on va l'écouter. Alors, je vous mets ça dans un instant sur Energy. Ça arrive. Et Benjamin, on te souhaite de bonnes vacances et 1800 balles. 1800 euros, c'est la cagnotte de Benjamin et tu reviens dès que le duel est de retour. Ça va ? Un bon week-end à vous et bonne chance pour le fugitif alors. Bah ouais, merci beaucoup. Et va pas le trouver non plus, celui-là, parce que le mec il va braquer Energy, quoi. Salut Benjamin, bisous. Ciao. Le duel Énergie. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Baby, it hits so hard. Holding on to my chest. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Recevez 7000 euros d'avantages clients sur votre Mini Countryman Docklands intégralement équipé. Infos et conditions chez votre concessionnaire Mini ou sur mini.be. Base présente les aventures de... Et dire qu'à la fin du mois, nous serons abandonnés. C'est trop triste. Oh, sauve-nous, Tata Doggy Bagman. Comment ? Des Tata abandonnés ? Jamais ! N'ayez crainte, venez avec moi, je vous emmène au mois suivant. Oh mon héros. Ouais, il paraît. Avec les abonnements de Base, j'emmène vos restes de data au mois suivant. Plus de 300 000 clients en profitent déjà. Conditions sur base.be. Base. Comment te dire adieu ? Tu nous accompagnais partout, à la mer, chez mamie. Avec toi, c'est une part de nous-mêmes qui s'en va. Mais tu fumais et tu toussais tellement. On n'avait plus le choix. C'est pour ça qu'on t'a emmené chez Ford. Jusqu'au 30 septembre, laissez partir votre vieux diesel chez Ford et recevez jusqu'à 8000 euros de prime environnementale à l'achat d'un modèle essence, hybride ou diesel nouvelle génération. Et même 5 ans de garantie. Ensemble, rendons le monde un peu plus propre. Ford. Go further. Infos et conditions sur Ford.be. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, même ceux qui ne savent jamais quel vin choisir. N'hésitez plus. Jusqu'à mardi, dans tous les magasins Carrefour, le Château Les Graves de Caux 2017 est en une bouteille plus une gratuite. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. L'assurance auto des AP. En ce moment, 2 mois gratuits. Et en plus, avec les conseils personnels de Véronique. Véronique des AP Assurance, bonjour. Infos et conditions sur lap.be. Dis, placer un miroir. Alors ça se fait avec du Texet. Et placer un thermostat. Texet. Et placer une bonne blague. Ah, drôle. Texet, ça colle. T'es un petit comique, toi, hein. Xina. Une réduction à la carte ou une cuisine prête à l'emploi ? Ce mois-ci, vous recevez les deux. Jusqu'à 1500 euros d'avantage sur votre électro et la pause offerte. Conditions sur xina.be. Xina. Toujours avec vous. Dans un instant, on fait le point sur ce qui est sacrilège. C'est sacrilège pour vous, vous nous dites 0800-23456, numéro gratuit. Avant ça, un petit point sur les routes ce matin, Aurélie. Et il y a toujours ce véhicule en panne sur la Nationale 5 à hauteur de Marienbourg en direction de Couvain. La bande de droite est bloquée, objet encombrant sur le 411 à hauteur de Wellin en direction du Luxembourg. La bande de gauche est bloquée. Et puis il y a des ralentissements en direction de Bruxelles, mais c'est assez calme. Ça se passe sur le 411. Vous perdez 22 minutes entre Oullart et Oudorghem. Kenzi Girac qui va arriver dans un instant, vous me l'avez demandé ce matin. On confirme Backstreet Boys vraiment ? Ouais ! Backstreet Boys vraiment ? Oui ! Eh ben Backstreet Boys sur Energy, voilà, ça fait plaisir. 8h19, merci d'être là, c'est vendredi. Et vous avez vu, on fait ce qu'il faut pour que ça soit bien. You are. Non, je laisse, pardon. My fire, the one desire, believe. When I say I want it that way, but we. Say that I want it that way. Tell me why. Il y a Lucie là qui nous dit sur Facebook, merci pour les Backstreet Boys, on se ressent jeune à nouveau. Ah oui, bah ça fait plaisir. Voilà, on vous fera comme ça des petits plaisirs de temps en temps. Enfin, si on se fait pas engueuler. Kenji Girac, ça va arriver dans un instant sur Énergie. En attendant, ce matin, on parle de ce pâtissier qui a osé toucher au look du croissant. Le croissant sera bientôt carré. Non, non, c'est pas possible. Non, mais ça, c'est honteux ça. Ça, j'ai vraiment envie de dire, c'est pas possible. Pas possible, pas possible. On ne peut pas avoir. Oui, c'est la voix. Je ne m'attendais pas à celle-là. Oui, ben voilà, je l'ai coupé. Je me suis dit qu'on pourrait le placer de temps en temps, ça serait bien. Non, le croissant carré, honnêtement, c'est vraiment pas possible. C'est sacrilège. On parle de ça avec vous. Qu'est-ce qui est sacrilège ce matin? Il y a Barbara qui nous a appelé. 0800-23456 pour venir ici. C'est un numéro gratuit. Bonjour, Barbara. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Énergie, oui, j'ai cru entendre une vieille chanson. c'est pour kiffer ça, les Backstreet Boys. C'est ah ouais, c'est sympa. Attends, ça t'a fait plaisir ce oui. matin, Barbara? Ah oui, j'ai pris 15 ans dans la tronche. On t'entend pas très bien. Tu peux juste mettre la bouche bien devant le téléphone, s'il te plaît, Barbara. Et pas dans la bouche. Oui. Oui, pas dans la bouche. Ouais, bah c'est le téléphone qui est pourri. Ouais. Ou retirer le kit main libre ou quelque chose comme ça. Barbara, tu peux nous dire ce qui pour toi est sacrilège? En fait, moi, ce qui me rend malade, c'est les gens qui coupent leurs spaghettis en petits morceaux. Ça me rend dingue. Ah là là, ah, oui, ça. D'accord. Bravo. Sacrilège. Barbara, présidente. Ouais. Barbara, le prix Nobel de cuisine à Barbara, je suis d'accord. Ouais, non, mais là, c'est pas possible ça. Couper des pâtes. Mais moi, j'avoue que je le fais. Hein. Mais honte à toi. Oh là là. Mais ouais, j'irai manger des pâtes avec toi. Alors, et le pire, c'est que c'est ça, t'as des origines italiennes, toi. Oui, mais attends, une fois deux. Quand tu manges des pâtes en société, moi, je mange ça comme une vraie baraquille, quoi. Donc, et pour essayer de rester un minimum classe, il vaut mieux les couper. J'ai pas compris, quand on mange des pâtes en société, parfois tu manges ça dans une jungle ou quoi? Mais quand je mange toute seule chez moi, je peux en faire en être partout. On te souhaite une belle journée, Barbara. Merci d'être passée ce matin. Merci, ciao, ciao. Ciao, bisous, Barbara. Rapidement, petit tour d'équipe. Qu'est-ce qui pour vous est sacrilège? Moi, je vous le dis, un truc vraiment, c'est aller au cuic, manger une salade et boire de l'eau. Oui, ça, c'est ça. Ça, j'ai même envie de te dire, c'est. Sacrilège! Ah oui! Ah ouais, non, mais ça, vraiment, pourquoi aller au cuic pour manger une salade? J'ai déjà eu ça, hein. Il y a une meuf qui... J'étais au cuic avec elle, elle m'a fait, je prends une salade. Je fais, mais t'es sérieuse, toi? Donne-moi ton burger. Il y a Maxime qui nous a dit des frites sans maillot, c'est vrai. On nous a dit le combo aussi devant le match de foot, bière, pizza. Ah oui. Si oui. Tu le fais pas, c'est sacrilège. Ah, c'est d'accord. Enfant des villes, ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera

the deal, my dear. La sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. À 8h35 sur Énergie, c'est le débrief de PE. Il arrive dans un instant. Avant ça, voici un point sur la météo pour aujourd'hui avec Aurélie. Aujourd'hui, le temps sera généralement sec. On aura des nuages, des éclaircies entre 5 et 10 degrés ce matin, entre 16 et 20 degrés cet après-midi. 8h31 sur Énergie, l'actualité de ce vendredi 14 septembre avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, la police sortira ses radars le 17 octobre. Il s'agira de la 10e édition du marathon de contrôle de vitesse. Hier, la police fédérale et l'Institut Vias ont invité les citoyens à signaler les emplacements qu'ils estiment dangereux. Et l'appel a été entendu puisqu'en quelques heures, plus de 3500 emplacements ont été signalés. Vous pouvez le faire également via le site jeflashaussi.be. Rappelons que la vitesse est responsable dans 30% des accidents mortels. Vous êtes peut-être concerné par les troubles de l'attention chez l'enfant. Si c'est le cas, le SPF Santé Publique lance un nouveau site internet pour aider les parents à détecter et traiter les troubles de l'attention. Chez nous, 5% des enfants et 3% des adultes sont concernés. Plus d'infos sur le site www.trajet-tdah.be. Aux États-Unis, l'ouragan Florence s'apprête tout doucement à toucher la côte Est. Il est accompagné de pluies diluviennes poussées par des vents soufflants à près de 150 km/h. La Caroline du Nord doit être le premier État à être touché par l'ouragan. Plus d'1 700 000 personnes ont été appelées à se mettre à l'abri loin du littoral. On termine avec du sport et du football. On débute ce soir la 7e journée de championnat. Le FC Bruges rencontre Lokeren. Début du match à 20h30. Achetez maintenant votre Seat Ateca à partir de 17 999 €. Prime de reprise incluse sous condition. Et tentez de gagner son remboursement. Info sur Seat.be. Seat. La souris mange le fromage. Le chat mange la souris. La panthère mange le chat. Mais le 6-9 sur Énergie, c'est qui va les manger? Bah c'est Frisco. Mais arrête, je mange pas tout non plus, hein. Des légumes, je les mange pas. 8h33 sur Énergie, on est là, c'est le 6-9. Bonjour. Bonjour. Il arrive dans un instant, comme chaque vendredi, aux alentours de 8h35. C'est le débrief de PE. Un grand moment que j'adore dans cette émission. Je vous le dis. Ah, ben là, on y va. Il va encore nous faire rire. On ouvre les vannes, on lâche les ballons. Hein. C'est vraiment ça avec PE. On ouvre les vannes, on lâche les ballons. Je fais des expressions. Ça vous dérange? Okay, d'accord, okay. Non, James Arthur qu'on écoute maintenant sur Énergie. Et puis, on a aussi l'iPhone X, je vous rappelle. Hein. Ce matin, beau bijou pour vous. Inscrivez-vous le mot code PHONE, P-H-O-N-E, PHONE par SMS au 78. C'est 1 € le message envoyé et reçu. On vous offre ça d'ici 9h. Inscrivez-vous, on va vite y être. PE, juste après James Arthur sur Énergie. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh, oh, ooh, oh. I know I do this every time. Like, ooh, oh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody. Give up on me, cause babe, I'm hopeless. The more it hurts, the more you try. You know I love that, I just never showed you. It'll be too late when you're with some other guy. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Why you get what you want, but I don't think you need it. You're better, better. And you even realize you deserve better, better, better than me. You deserve it. Why you get what you want, but I want you to see you're better off without me in life. And I hope you find somebody else that loves you like nobody else. And I hope they give you something real. Oh, I love you still. But you deserve better. Bientôt 37 sur Énergie, David Guetta, le nouveau, on vous rappelle, New Hit Friday, on vous fait découvrir l'album de David Guetta, on va s'écouter ça dans un instant, mais avant, comme tous les vendredis, à 8h35, salut la compagnie. Alors avant de commencer, deux infos du week-end dernier, la première, drame en Belgique. Théo Franken est encore au gouvernement. Non, je déconne. Enfin, si, il est encore au gouvernement, mais il y a pire. Il y a pire, à cause de la sécheresse de cet été, apparemment, le prix de la bière risque d'augmenter. Non ! Et pour paraphraser M. Manhattan, je suis colère ! Je suis colère ! Je suis violence parce que je suis trahison ! Il suffit maintenant, on ne touche plus au prix de la bière. En 10 ans, le prix de la bière a augmenté de quasi 50%. Tiens-moi, à ce rythme-là, même la bière non alcoolisée me donnera la gueule de bois. Par contre, rien à voir, rien à voir. Mais en parlant de Théo Franken, petite parenthèse, mais ce dernier a déclaré « Le racisme me dégoûte, je ne veux pas les voix de ces gens-là. » Standing ovation, mon beau Franky. Non, vraiment, merci, merci pour ce fou rire, c'est donc officiel. Vous pourrez bientôt retrouver Théo Franken au Comedy Club dans son spectacle « Le schizophrénie ». Ça n'est pas tous les jours facile, hein. Et la deuxième info, il y a un mois jour pour jour, le viaduc de Gênes s'effondrait. Depuis tous les jours, il y a une petite info supplémentaire le concernant. C'est un peu devenu le Johnny Hallyday des viaducs. Sauf que contrairement à Johnny, quand le viaduc a rendu l'âme, personne ne s'y disputait son héritage. Mais l'info la plus amusante est tombée vendredi dernier quand le célèbre architecte italien Renzo Piano a présenté la maquette du futur pont de Gênes en déclarant « Ce pont devrait être en acier et durer 1000 ans !» Genre le Titanic des viaducs. Et effectivement, le Titanic, puisqu'en pleine présentation du projet, la maquette s'est effondrée. Non, non, non, je vous jure, c'est vrai, vraiment. Comme un château de cartes, non mieux, comme le palais de justice de Bruxelles. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi, dans le 6-9. Yeah, that's what I'm talking about, motherfucker. Alors, cette semaine, quoi de beau dans l'actu? Lundi, merveilleux, splendide, un candidat CDNV d'Anvers a été arrêté avec 3 kilos d'héroïne. Hey, mais c'est la fête en Flandre. Attends, la semaine dernière, Bardo Weaver s'inquiétait du trafic de cocaïne dans le port d'Anvers, et cette semaine, on chope un politicien de la même ville avec de l'héroïne. J'ai envie de dire formidable. Toute cette activité liée au trafic de stupéfiants en Belgique, ça va attirer des nouveaux investisseurs. Comme Netflix, par exemple. Hein, Netflix qui finira par tourner la prochaine saison de Narcos à Anvers. Mais franchement, ça, ce serait énorme. Franchement, Narcos à Anvers, ce serait tellement énorme. Et en tout cas, ça nous changerait des frères d'Ardennes. Par contre, on va pas se mentir, mais Narcos en flamand, ça risque de perdre un peu en crédibilité. Fini les Don Pablo Escobar, Don Miguel Rodriguez et passe à Don Peters van de Kloot. Ça sent la chute d'audience. Alors, toujours lundi, le sélectionneur de l'équipe de foot d'Islande revenait sur la défaite subie en Suisse. Fait que dis-je, la défaite, la raclée, 6-0. Au début, je pensais qu'on me parlait de tennis, mais non. C'est bien au foot que l'Islande s'est pris une correction contre la Suisse et donc le sélectionneur a déclaré « L'Islande n'aura pas le choix et devra réagir pour reprendre confiance et c'est la Belgique qui va payer pour ça mardi. » Ben effectivement, mardi, l'Islande a pu reprendre confiance. Certes, elle n'a pas gagné, mais elle a encaissé 50% de buts en moins que contre la Suisse puisque face à la Belgique, ils n'ont perdu que 0-3. Bien joué les gars. N'empêche, se prendre 9 goals en 2 matchs, moi je voudrais m'adresser à l'entraîneur de l'Islande. Eh, reste positif mec, en 2 matchs vous avez fait plus d'entrées dans votre goal que Laurie lors de sa dernière tournée. Non, c'est bien, faut souligner. Alors, toujours mardi, à la requête du juge d'instruction de Namur, la police demande de diffuser l'avis de recherche suivant. Il y a 6 mois, oui je sais, la justice avance à son rythme. Donc, il y a 6 mois, 2 vols avec effraction ont été commis à Antennes. L'auteur, un paye d'une trentaine d'années, fan de bodybuilding, qui au moment des faits était vêtu d'un short beige et d'un t-shirt à capuche gris et noir muni d'une fermeture éclair. Si vous avez des infos, contactez-nous. Bon, perso, j'ai pas d'infos, Mais j'imagine qu'en 6 mois, le gars a dû changer. Et si je peux me permettre, il serait temps de réaliser qu'on est en 2018, car la qualité de l'image qui accompagnait la vie de recherche, on aurait dit que ça avait été pris avec un vieux Nokia. Serait temps d'investir dans du HD, parce que là, apparemment, la caméra de surveillance, elle date du temps de Jésus, elle ne filme pas, elle dessine. Mercredi, découverte inattendue à Paris, un chauffeur de bus... Désolé, j'ai des origines espagnoles. Découverte inattendue à Paris, un chauffeur de bus trouve un sac abandonné sous un siège. L'ouvre et découvre 16 000 euros. 16 000, on est loin du port d'Anvers, mais quand même. Qui se promène avec 16 000 euros dans un sac en prenant les transports en commun, et surtout, qui oublie un sac avec 16 000 euros. On notera l'honnêteté du chauffeur de bus qui a rendu le sac aux autorités, parce que moi, franchement, je trouve un sac avec 16 000 euros, je dis pas que je le garde, mais je me paye au moins un quick. Pas un menu, hein, le restaurant. Et jeudi, alors c'est pas vraiment une actu qui concerne tout le monde, mais j'ai trouvé ça tellement amusant, j'ai reçu un SMS qui me disait juste « C'est bien toi la jolie Laetitia que j'ai rencontrée hier soir au bar d'Ixelles ?» Bon, habitant pas loin du bar et étant joueur, j'ai répondu « Oui ». Le gars m'a invité à prendre un verre, j'y ai été. Mais non. Si, je vous cache pas qu'il a été déçu. Ah, mais sans blague. Non, mais parfois je m'exaspère un peu moi-même. Mais par contre, j'ai compris pourquoi Laetitia lui avait donné un faux numéro. Et comme je suis un peu couillon, j'ai pas osé lui dire en face, mais là, dans le cadre de la chronique, ça me fait rire. Donc, Mike. Enfin, prénom d'emprunt, parce que j'avais pas envie de divulguer qu'en fait il s'appelle Bruno. Mais ce n'est pas parce que sur ton déodorant il est indiqué actif pendant 72 heures qu'il faut se priver de prendre des douches pendant 4 jours. Alors, pour l'authenticité de cette histoire, la seule chose que j'ai inventée, c'est que ça n'a pas eu lieu jeudi. J'ai juste décidé de faire comme la justice belge et donc d'attendre 6 mois avant d'en parler. Sur ce, belle journée de folie sur Énergie et à la semaine prochaine. C'est tous les vendredis à 8h35 sur Énergie et PE. Vous pouvez le voir en spectacle aussi sur scène. Le spectacle s'appelle Optimiste. Il y a 7 cas de lettres. Hein, ah, il faut aller le voir. Il faut y aller le 13 octobre à Braine-l'Alleud au Centre Culturel. Le 19 octobre aussi, on va vite y être. C'est au Vous Rire de Liège. Ça va être très chouette. Au Centre Culturel des Chiroux. On va venir, je pense, à cette date-là, ouais. Venir te voir, vraiment. Oh yeah. Le 3 novembre à Jean-Blouz au Centre Culturel. Et le 8 novembre à Lille au Spotlight. Spotlight de Lille. Et on dirait pas une boîte de nuit, le Spotlight. PE, avoir un spectacle, vraiment, ça vaut le détour. Et c'est tous les vendredi à 8h35 sur Énergie. Merci d'être venu et à la semaine prochaine. Et c'est comme ça tous les vendredis sur Énergie, on vous fait découvrir un nouveau hit. Là, c'est le nouvel album de David Guetta. Voici un nouvel extrait. When you're faded and alone and need somebody on the phone, let it be me. Let it be me. When she leaves you in the rain and need a high to kill the pain, let it be me. Let it be me. And I'll show you love the way it's supposed to be. Summer days, winter nights, ride or die, right by your side. Killing time till you're ready to see. I'm all you need. You're a drunk, you're a fool. I'm insane, so right for you. When the ship goes down, look in your dreams, that's where I'll be. Cause I need, need, need, need you. And la la la la la. Somebody on the phone, let it be me. Let it be me. When she leaves you in the rain, you need a high to kill the pain. Let it be me. Let it be me. And I'll show you love the way it's supposed to be. When she leaves you in the rain, you need a heart to kill the pain.

En fait, c'est la date de mon anniversaire de mariage avec ma femme. Ça fait 5 ans qu'on est mariés et après, ça fera 15 ans le mois prochain qu'on est ensemble. Et je voulais lui souhaiter bon anniversaire par la radio. Oh, c'est mignon. Mignon. Oh, c'est j'aime mignon. Bien, moi, les moments comme moi, ça. Moi, j'aime bien les surprises. Ça fait combien de temps de mariage, t'as dit ? 5 ans. 5 ans. Et 15 ans qu'ils sont ensemble. Et pas mal, hein. 20 ans de connaissance. Mais non. Tu fais pas 15 plus 20, 15 plus 5. Non, hein. C'est... Ça fait 15 ans au total, mais ils sont mariés. Ah oui, ils se sont mariés après 10 ans. Voilà. C'était pas la matière cours préférée, non ? Non, moi, sinon, c'était pas du tout ma matière préférée. Non, je peux te le dire. Eh ben, tu sais quoi, Cédric ? On va appeler ta femme, qui s'appelle comment ? Stéphanie, appelons Stéphanie, compose le numéro. C'est parti. Et on va. Tu vas pouvoir le dire en direct. Ouais, Frisco. On dit pas qu'on est là aussi ? Non, nous on n'est pas là. Ouais, Allô ? Allô ? Oui. Ça va ma femme ? Ça va et toi ? Ça va. Ça va, je voulais profiter de la radio Énergie pour te souhaiter un bon anniversaire en direct. Oh, mon petit chat. Mon petit chat ! Oh ! Hey, bon anniversaire de mariage les deux tourtereaux. Merci. Oh, vous êtes mignons. Oh, j'ai envie de chialer. Stéphanie, tu pleures ? Non, pas encore. Attends, vas-y, pleure, vas-y. C'est bon pour l'audience. Vas-y. Attends, il est 3, bête. 2, 1, vas-y. Maintenant. Bon, hey, Stéphanie, tu es heureux, ton mari, il te comble ? Oh oui, très. Énormément. Tu ne changeras pas ? Oh non, pour rien au monde, je le garde. On fait aussi des divorces, hein, si vous voulez. Eh ben, on vous embrasse très très fort tous les deux. On vous souhaite plein de bonheur, une longue vie ensemble. Il y a un bébé déjà pour vous deux ou c'est en projet ? Il y en a trois. Ah oui, ok, oui, c'est plus du tout de la répétition, ça. Eh ben, vous m'enverrez la notice. Belle journée, Cédric. Belle journée, Stéphanie. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bisous. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. I saw you walk inside a bar, you said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, pour vous. Pour Cédric et Stéphanie, votre amour. Vous gagnez votre iPhone 10 dans le 6-9 sur Énergie. On va clôturer la semaine en beauté. Avant de vous laisser avec Tanguy, votre playlist personnalisée, on va offrir l'iPhone. Tiffany, appuie sur le bouton. On appelle en direct pour vous offrir le dernier iPhone cette semaine. Beau cadeau quand même. Ouais, magnifique. Ah, franchement. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. c'est comment ton prénom ? C'est Kevin. Tu peux quoi ? S'il vous plaît ? Je sais pas, tu dis je peux, tu veux quoi ? Je voudrais bien l'iPhone X. C'est bien, il dit je voudrais. Non. On a dit non. Il a même pas. C'est magique. Non mais attends. Non mais on a rien dit. On appelait juste pour dire bonjour. Mais oui, on déconne. Non, il dit c'est bien, il dit je voudrais, tu vois. Mais il, oui. Il est déjà, il est poli. Eh ben, tu sais quoi? On t'offre l'iPhone 10, mais oui. J'ai même envie de dire. Il est en forme. On t'envoie ça à la maison, on te fait des bisous, on te souhaite une très belle journée. Et puis, bah voilà, nouvel iPhone, tu vas pouvoir changer de GSM. Et il va arriver vite, hein. La semaine prochaine, il est là, ça, c'est grand, très rapide. Un grand merci. Un grand merci au 6-9. Bah avec plaisir. Avec plaisir. Vous avez une forme le matin, ça fait très très plaisir. Tu peux dire à ton pote qu'il ne l'a pas gagné, hein. C'est toi qui l'as gagné. On te souhaite un bon week-end, à bientôt. Super, merci à vous aussi. Salut. On vous souhaite à tous un excellent week-end. On vous laisse avec la playlist personnalisée. Déjà 3 semaines qu'on est là, les fifous, ça va très vite. Hein. Ouais. Incroyable. Très vite. Un jour, on va se réveiller, ça fera 7 ans. On espère en tout cas. Et on parlera comme ça. Bonjour. Oui, bonjour, 669. On vous souhaite un très bon week-end. Retour lundi. Bisous l'équipe. Bisous. Bisous, bisous. Et à lundi. Voici Patrick. Ah ouais. Miracle de la médecine, il s'est fait greffer des yeux dans le dos. Je peux tout voir derrière moi. Hein. Et aussi sur les oreilles. Je vois partout, quoi. Patrick a fait ça pour se garer plus facilement. Ouais, ouais. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la technologie Nissan Park Assist peut aussi le faire. Hein? En vous offrant une vue aérienne à 360 degrés et en vous assistant dans toutes vos manœuvres. Et c'est maintenant que vous me le dites. Venez tester la technologie Park Assist sur les Nissan Leaf et Qashqai et profitez de conditions exceptionnelles pendant les Nissan Experience Days jusqu'au 22 septembre. Nissan. Innovation that excites. And you're listening to Énergie. Je vous lis le message de Raphaël. Quelques souvenirs du Energy Music Tour à Liège et des musiques de mon été. C'est la playlist de Raphaël qu'on écoute. Et Raphaël, il a choisi Calvin Harris, Aya Nakamura, Moziman et encore plein d'autres. Et on commence tout de suite. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais.